Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, l'émission mensuelle où on se retrouve pour parler de cinéma entre passionnés. Vous écoutez en ce moment l'épisode numéro 27, enregistré le 13 juin 2016. Je suis Axel, un des hôtes qui vous accompagnera durant ce podcast. Mais j'ai aussi le plaisir d'avoir à mes côtés mes deux comparses habituels, en commençant par Eddy. Salut. Salut. Comment vas-tu? Ça va bien. Nickel. Et ensuite Morgane, salut. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien. Hein. D'accord. Très heureux d'être ici. Comme le mois dernier. Toujours heureux. Toujours heureux. Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. D'accord. Bon. Comment enchaîner là-dessus? En fait, on va vous prévenir qu'on est... Enfin, le problème, c'est que Morgane a eu un gros fou rire au lancement du podcast. Voilà. Donc, on n'arrive plus à l'arrêter. Mais de toute façon, on est transparent avec vous, on a toujours été. Et donc, Morgane a eu un gros fou rire. On a tous les deux... Eddy, je pense que aussi, toi, tu as eu une grande journée. Voilà. Oui. Voilà. Donc, on est assez fatigué. On est assez fatigué. Morgane, c'est pas possible. Et du coup, ben voilà, on est... Enfin, Morgane est un peu difficile à contrôler. À fleur de pouf. Non mais c'est surtout que j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Ouais. Axel il a une grosse journée. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué effectivement. Voilà. Donc si on s'embrouille, si on fait enfin voilà, s'il y a des fous rires etc. Je les rappelle à l'ordre. Excusez-nous, voilà, Eddy sera le chef durant ce podcast. Donc voilà. Avant de commencer le sommaire, puisqu'on a quand même pas mal de films dont on va vous parler aujourd'hui ce mois-ci. On a une nouvelle rubrique qu'on voulait introduire dans ce podcast. Donc, c'était une rubrique que je faisais jusqu'à l'épisode numéro 8, mon listener numéro 8, donc ça fait bien 2-3 ans en fait. Déjà. Ouais. Et donc, ça s'appelait la Minute Nerd, et donc on parlait de n'importe quoi c'est tout ce qui n'était pas le cinéma en fait, tout ce qui n'était pas le cinéma, donc que ce soit série télé, livre, enfin voilà, tout ce qui est culturel et livre, série télé, musique, enfin voilà, vous voyez à peu près le pitch. Donc on a décidé par contre de faire donc chacun, une fois par mois, choisira un sujet, donc ce sera chacun son tour. Et ce sera plus rapide. Donc c'est une personne par mois. Voilà, une personne par mois. Merci Eddy, franchement. Parce que c'était pas clair du tout. Ouais, c'est vraiment pas clair et je m'en excuse d'avance. C'est pas grave. Je dirais un couple de petits vieux où chacun finit la phrase de l'autre. Bah oui, écoute, hein, c'est ça. La vie conjugale n'a plus de secret. N'importe quoi. Voilà. Donc vous avez compris le principe. De toute façon, si vous avez déjà écouté une ancienne émission, bon, je vous le conseille pas, mais si vous l'avez fait, vous savez de quoi ça parle. Donc on va commencer tout de suite avec le sommaire. Donc on aura en premier la Selec avec plusieurs films dont vous parlez, énormément de films. Donc Elle, Eddie Diegel, Café Society, Rulietta, Midnight Special et plein d'autres. Donc voilà, il y a pas mal de films dont on va vous parler. Enfin, moi personnellement, je serai assez court sur certains parce que j'ai pas non plus énormément de choses à dire. Je crois que Morgane aussi n'a pas. Il y a certains. Ça dépend des films. Il y a des films. Ça dépend vraiment des films. Ouais. Donc voilà. En film du mois, ce sera X-Men Apocalypse. Donc voilà, on va vous parler de ce film. Et ensuite, en Minute Nerd, on distingue quand même la joie non dissimulée de Morgane derrière. Ouais. On vous expliquera pourquoi. Enfin, de toute façon, si vous suivez l'émission, vous savez pourquoi il est joyeux quand on parle d'X-Men Apocalypse, et c'est pas pour les mêmes raisons que tout le monde en fait. Mais donc voilà. Et puis ensuite, on aura la Minute Nerd. On vous garde la surprise. Vous saurez ça quand ce sera la fin de l'émission. Voilà. Et je vous propose de commencer directement avec la Selec. « Donc on est dans la première rubrique de ce podcast, La Sélec, et on va commencer avec un film que Eddie a vu, dont Morgane et Quentin vous avez parlé il y a 2 mois je crois, de Midnight Special. Donc vas-y. C'est un film que j'ai rattrapé parce qu'il est sorti au mois de mars. Ouais c'est ça. Ouais. C'est surtout ça. Donc moi c'est un film que j'attendais pas à des masses, hein. Je crois qu'on en avait parlé dans un parlant cinéma. La bande annonce, on en avait parlé, ouais. Voilà, et c'est vrai que bah, moi, Jeff Nichols, c'est compliqué, Morgan le sait bien. C'est vrai que j'ai du mal avec ses films, moi, Take Shelter et Mud, ça m'avait. Bah, j'avais trouvé ça beau, oui, mais ça m'avait ennuyé, quoi. Donc, c'est pas un cinéma qui me touche. Ouais. Et du coup, j'ai eu plein d'avis assez. En fait, j'ai eu des avis partagés sur ce film. J'en ai eu qui ont adoré, il y en a d'autres qui n'aimaient pas. L'exemple même dans ce podcast. Exactement. Et donc, du coup, c'est vrai que ça m'a un peu interpellé. Donc, j'ai fini par le voir. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Ok. Donc, je suis le premier surpris. Hein. mais c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas à apprécier tant que ça. Et en fait, le film m'a ému. D'accord, ouais. M'a vraiment ému. Voilà, j'ai trouvé que les thématiques étaient très bien abordées, notamment celle sur la famille. Parce que c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de. Enfin, sur l'affiche du film, on voit. On tient enfin l'héritier de Spielberg. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un peu ces références à Spielberg, le côté fantastique qui s'insère comme ça dans quelque chose de beaucoup plus réaliste. On retrouve vraiment ça. Et en même temps, ça va plus loin en fait que la. Parce que Spielberg propose principalement des thématiques surtout autour du père, peut-être un petit peu moins autour de la famille, enfin du moins c'est plus rare. On sait que Spielberg c'est un de ses grands sujets, c'est vraiment de parler de la place du père en fait dans une histoire. Donc ici évidemment on a affaire à ça, mais je trouve que c'est plus général en fait, on parle plus de la famille. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que on parle de l'amour en fait filial. L'amour familial, et je trouve que le film rend très bien là-dessus. Parce que, dans la métaphore, il est très. Je trouve que c'est très juste, en fait, tout ce que ça exprime. Il y a vraiment. L'enfant, on peut. Enfin, sans trop spoiler, on peut vraiment. On sait, l'enfant dans le film a une particularité. Hein. Ouais, de toute façon, on le voit dans la bande-annonce. Et c'est vrai qu'on peut. On sait que les parents vont tout faire pour protéger leur enfant, et c'est vrai que. Moi, ça, automatiquement, ça m'a fait penser, par exemple, à un couple dont l'enfant, par exemple, est touché par un cancer ou quelque chose comme ça, quoi. Et je trouve que c'est vraiment ce qui ressort dans le film. Et le film nous parle aussi de ça, en fait. Nous parle de l'amour d'un père et d'une mère pour leur enfant. Et du coup, de tout ce que ça engendre derrière. Et en fait, c'est un amour qui est tellement grand que du coup, ça résonne vraiment dans l'écho du personnage d'Alton. Le petit garçon qui a ses particularités, qui a ses espèces de pouvoirs un peu étranges, et en fait ce personnage-là il canalise un peu tout ça, en fait ça transcende un peu toutes les thématiques. Et finalement c'est plus juste un amour de famille entre guillemets, c'est vraiment ça va au-delà de ça, quoi. C'est beaucoup plus c'est pas universel mais c'est presque céleste en fait. J'ai trouvé que c'était vraiment très fort là-dessus. Et le film est jonché comme ça de métaphores sur la famille, sur l'enfance aussi un petit peu, sur les parents qui doivent accepter aussi que ça parfois la situation peut leur échapper. J'essaie d'enrober un peu le truc pour pas trop dévoiler parce que mais il y a vraiment je trouve que Jeff Nichols ici son écriture est vraiment habile et en fait quand on sait que du coup il a écrit son film comme le disait Quentin parce que lui justement son enfant, son bébé je crois a eu des problèmes à la naissance, c'est vrai qu'on ressent vraiment ça, quoi. Il y a vraiment la figure de la figure paternelle et de la famille en général est quand même très très bien ancrée dans le film, et on sent qu'il projette en fait ce qu'il a vécu à travers son film, donc c'est très personnel. Et moi c'est pour ça que ça m'a touché, je pense. D'accord. Je me rappelle parce que Morgan avait dit que justement ce qui ne le touchait pas c'est que les acteurs ne faisaient pas passer des émotions. Est-ce que tu as ressenti ça? Ah ben moi oui, par contre oui. moi j'ai senti moi c'est enfin je suis pas du tout enfin de toute façon je pense que je suis pas du tout d'accord avec Morgan sur le film. D'accord. Oh oui, non pas du tout. Mais et c'est assez paradoxal parce que lui il aime les deux autres et moi je les aime pas. Bon. Oui, mais, c'est ça, il y a mais je crois que t'en fais exprès au bout d'un moment. Non. mais du coup moi je trouve que enfin je trouve que non, c'est enfin les personnages si véhiculent des vraies émotions, enfin Michael Shannon, moi il est bouleversant quoi. Et il y a une scène, enfin le dernier acte avait notamment une scène avec Kirsten Dunst qui, enfin, moi je me mets à la place de ce personnage-là et ça m'a vraiment, ça m'a touché quoi. Et j'étais cramponné à mon siège, je me disais mais c'est horrible quoi. Tu te mets dans des situations, enfin, je trouve que le film on arrive vraiment à, enfin moi j'ai vraiment réussi à me projeter dedans et j'ai trouvé ça très fort parce que c'est le film en fait il a cette volonté de pousser en fait tout l'amour qu'il peut y avoir dans une famille, il le pousse vraiment à l'extrême quoi. Ouais. On touche presque un peu au divin entre guillemets, c'est tellement fort en fait ce qui se passe. Donc moi voilà, ça m'a vraiment vraiment plu. Donc du coup le casting moi je l'ai trouvé très bien. Michael Shannon donc m'a beaucoup ému. Le petit garçon aussi, Jaden Lieberer, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Pareil, j'ai trouvé très bien. Même Kirsten Dunst, qui, selon les films, moi, ça dépend. Il y a des films dans lesquels je la trouve très bien, il y a d'autres dans lesquels je la trouve moins bien. Mélancolia, elle est très bien. Je l'ai trouvé très bien ici, et même Adam Driver, quoi, qui apporte un petit peu la seule petite touche comique du film. Alors, c'est vrai que c'est pas un film drôle, mais. C'est pas un film qui tend du tout de façon drôle. C'est là la grosse différence avec Spielberg. C'est que Spielberg, ouais. Y a toujours quand même un petit peu d'humour. Ouais. Même, mais je pense à Rencontre du troisième type, qui est quand même un film un petit peu plus sérieux. Ouais. Il y a le truc avec les pommes de terre et tout. Enfin, voilà, il y a des trucs qui passent bien. Bon, après, Spielberg s'est resté aussi sérieux quand il faut. J'ai réalisé oui, Schindler, c'est pas drôle du tout. Non. Mais voilà, et ça s'y prête pas. Donc voilà, moi après, c'est vrai que il y a vraiment quelque chose que je retiens du film, c'est le dernier acte. Ouais. Que je trouve, enfin moi qui m'a vraiment bouleversé, quoi. C'était super beau. Donc voilà, j'ai rattrapé Midnight Special et je suis bien content de l'avoir fait. D'accord. Et du coup, je le conseille à ceux qui peut-être n'étaient pas tentés comme moi. Et... Moi je suis tenté mais je l'ai toujours pas vu. Voilà. Donc ça rajoute sur le fait que je dois le voir absolument. Morgane, t'as quelque chose à rajouter ou plus que ce que t'avais déjà dit ou alors on passe. Non, mais en soi j'ai pas. Enfin, c'est pas que j'ai détesté le film. Il y a des films que je n'aime pas parce que je les trouve vraiment mauvais. C'est pas un mauvais film. C'est juste que ça m'a pas touché. C'est quelque chose qui m'a peut-être le rythme. Peut-être justement ce côté par contre, c'est vrai que c'est pas hyper nerveux, quoi. Ouais, il y a peut-être... J'ai écouté des critiques qui disaient tout se passe très vite. Non, moi, je trouve pas. Je trouve que, justement, ça prend son temps, mais... Ouais, un peu beaucoup. Ouais. Ça participe un peu aussi à l'immersion, quoi. Bon, après, c'est vrai que ça, le rythme, c'est assez subjectif. Il y en a qui les rythmes lents, ça les gêne pas. Moi, je sais que c'est pas trop... Ça va quoi, faut pas non plus que ça soit ultra lent, mais. Bah, ça dépend des films en fait, mais là c'est vrai que. Merde, j'ai fait tomber ma bouteille d'eau. pardon. Il y a des films ça passe, mais là justement, comme j'étais pas émotionnellement, je rentrais tellement pas dans le film, à cause des acteurs, je sais pas, je trouve que autant dans Mud ça prend, dans Take Shelter je trouve que ça prend, mais là c'est pas, il y a quelque chose qui prend pas, et du coup je suis resté dehors tout le film. Et je pense que dans un film pareil, quand tu rentres pas, c'est long et il y a rien à faire, quoi. Donc, mais je comprends qu'on aime parce que en termes de mise en scène, c'est quand même vachement beau. Ah et ouais. Voilà. Ah bien, il y a vraiment des scènes où les scènes sont parlantes, quoi. Même, je veux dire, il y aurait pas de paroles dans le film, ce serait pareil. Donc, il y a beaucoup de choses qui passent vraiment par l'image. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport aux acteurs, Adam Driver. Enfin, c'est le seul vraiment qui m'a plu. Je trouve que surtout, enfin, dans ma tête, il sort de Star Wars, si tu veux. Donc, du coup, ça m'a fait plaisir de le voir dans un rôle un peu différent et je trouve vraiment bon, quoi. Vraiment. On va continuer sur le prochain film. Donc, Eddie the Eagle. Eddie, toi, tu l'as vu ce matin. Ouais, en rentrant du travail. Ouais. Il est motivé, hein, quand même. T'as du courage. Hein. T'as du courage. Bah, le problème, c'est que moi aussi, je n'ai vu que X-Men. Bah, moi aussi. Ah non, pardon, qu'est-ce que je raconte. Non. Mais je pensais au mois dernier, c'est pas grave. Donc, du coup, je me dis, c'est un peu léger, quoi. Et je voulais absolument parler de X-Men, donc je me dis, il faut que j'envoie un autre. Et je me suis pressé. J'ai trouvé. Voilà. Ouais, d'accord. Morgane, si tu veux peut-être commencer par en parler. Oui, rapido hein, pour l'histoire. Donc c'est l'histoire d'Eddie Edwards qui rêve d'être un athlète, mais qui n'a rien d'un athlète. C'est-à-dire que il est un peu con, il est pas non plus sportif. Il est un peu benêt. Il vit dans un espèce de bulle où il rêve justement. Il se voit en tant que champion olympique. Son rêve, c'est de participer aux Jeux olympiques. Depuis qu'il est tout petit, et voilà, c'est son rêve. On le voit au tout début en train de. Voilà, il persévère. Il a une envie, il a une soif de réussir. Donc c'est un peu son parcours, son ascension, parce que c'est une histoire vraie, hein, encore une fois. Oui. Donc on va suivre tout son parcours jusqu'en 1988, où il va participer aux Jeux Olympiques d'hiver dans l'épreuve. Est-ce que c'est basé sur une histoire vraie ou c'est complètement inventé? Non, c'est une histoire vraie. D'accord, ok. C'est une histoire vraie, hein, vraiment. Il a existé. D'accord. Il existe toujours. Il existe toujours. Honnêtement, pendant le film, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, c'est tellement. Mais en fait, il a jamais été requalifié ensuite. Voilà. Donc, il a fait que ces Jeux Olympiques-là. Mais du coup, ça suffit, quoi. Ça suffit à ce qui marque vraiment ce sport, en fait. Ok. Et il va être aidé, donc, d'un ancien champion. Non, ça bug pas. Il va être aidé, donc, de Hugh Jackman, qui joue le rôle d'un ancien athlète. Qui a fait la même épreuve et qui va en gros l'aider, c'est son coach, quoi. Donc c'est un feel good movie, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors je dois dire que j'avais un petit peu peur avant de le voir parce que la bande annonce me tentait pas du tout. Bah c'est pareil, vraiment pas. Moi ça me tentait pas. Enfin, déjà pas. Alors. Bah, j'en parlerai après. Ouais, mais Vous connaissez mon amour pour Kingsman. Ouais. Mais en voyant la bande annonce, quand j'ai vu Taron Egerton. Justement, il me faisait très peur parce que je l'avais vu dans Legend et je trouvais que dans Legend avec Tom Hardy, la fille que tout le monde a déjà oublié, sorti cette année, je trouve qu'il cabotinait un petit peu et là je me suis dit, oulalalala, quand je le vois avec ses lunettes, ses mimiques, je me suis dit, il va être insupportable. Au final, il est très bon, il cabotine quand même. C'est un acteur qui aime bien cabotiner, même Kingsman quand même, faut être honnête, pas non plus, il est pas dans la subtilité. Donc bon, il le fait très bien. Mais attention, Taron fait des trucs un peu plus sérieux quand même. Donc on est vraiment dans un feel-good movie pur jus. C'est pas un film révolutionnaire en soi. Ça révolutionne pas le cinéma. C'est pas 2001 Odyssée de l'espace. De toute façon, on lui a jamais demandé d'être. Voilà, c'est ça. Mais c'est un film qui, sur le moment, te met une banane, une pêche, tu ressors de là. Mais c'est un film enthousiasmant. C'est vraiment le feel-good movie dans tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce qu'il y a de plus sincère et d'émouvant. Ouais. Et franchement, j'en demandais pas plus parce que j'en attendais vraiment rien. J'y allais vraiment à reculons pour le coup. Et pendant le film, j'étais pris dans cette histoire. J'ai trouvé vraiment ce personnage très touchant, toute cette naïveté. D'ailleurs, le film est extrêmement naïf, hein. Mais en même temps, ça fait partie. Enfin, la naïveté du film, les émotions qui sont un petit peu, voilà. J'ai lu quelques critiques des personnes qui disaient c'est un peu niais, etc. Mais ça correspond au personnage. Et du coup, j'étais attaché. J'adorais ce personnage. J'ai trouvé attendrissant. La musique aussi, il y a des scènes d'envolée, enfin la scène d'intro où on le voit justement petit en train d'essayer, il saute mais il se casse la gueule, enfin c'est un message vraiment très optimiste sur la réussite. Franchement, ça mange pas de pain, c'est pas non plus waouh, mais j'y ai mis 4,5 sur 5 parce que sur le moment et même après, je suis sorti de la séance, j'étais heureux quoi. Il y avait vraiment une espèce d'enthousiasme, c'est le film qui fait du bien. J'étais devant le film, j'étais ça fait plaisir, quoi. Et en plus, surtout pour une histoire comme ça, au moment de l'histoire d'un champion olympique, C'est sûr que moi, personnellement, ça me tente pas des masses, quoi. Mais c'est pas tant là-dessus, hein. C'est vraiment le parcours d'un jeune qui a rien pour réussir, mais qui, par la force des choses, par la volonté. Alors, est-ce qu'il va réussir ou pas? Je vous laisse le soin de découvrir ça. Ouais. On s'en doute un peu de la réponse, parce qu'on est quand même dans un film. Ouais, très... c'est un feel good movie, quoi. C'est un feel good movie, donc la PND est là, mais en même temps, il y a des moments de suspense. quand il saute, quand il s'entraîne, enfin des moments un peu vraiment, j'étais vraiment pris dans cette histoire. Mm-hmm. J'ai trouvé ça bien écrit. C'est produit par Matthew Vaughn, ouais, il me semble. Ouais, oui. Donc on est voilà, c'est ouais, le... c'est l'univers quoi. c'est l'univers qui ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est léger. C'est étonnant mais c'est bien fait ce genre de enfin. En même temps, ouais, que ce ouais, soit la même acteur, d'accord, mais bon. Oui, enfin, ouais. Je sais pas. Et la même. Oui, c'est la Fox. Non, c'est pas Marv, je crois. Oui, je crois que Marv y est. Oui, je crois. D'accord. Et du coup, non, c'est vraiment. J'ai trouvé ça beau. C'est, okay. C'est du bon. C'est un bon petit film. Ça se regarde. Ça, c'est un régal. Mm-hmm. C'est un vrai régal. Et d'ailleurs, le film est quand même beaucoup apprécié. Je vois sur votre caster. Ça, c'est le genre de film que je suis un peu tout seul à aimer en général. Ouais. Et j'ai vu les notes, je crois qu'il est à 77% de bonnes critiques, honnêtement, ça fait plaisir. Mais c'est dommage qu'il soit sorti, et j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment parlé. Ouais. Il est un peu sorti dans l'ombre, et là, il est plus du tout à l'affiche. Au bout d'une semaine, dans mon cinéma, il passait plus. Mm. C'est dommage, parce que c'est un film qui gagne à être connu, parce que ça fait du bien. C'est, pour moi, le digne successeur de Rasta Rocket, mais encore en mieux. D'accord, ah oui. De Rasta Rocket, okay. Ouais. Bah, c'est un peu la même chose, on va dire. Ouais. Rasta Rocket m'avait en moins touché. Ce Rasta Rocket, c'est quand même plus drôle. De la comédie. Enfin, ouais. Voilà, c'était drôle. Là, il y a des, voilà, c'est mélangé. Il y a de l'émotion, de l'humour. Le rapport avec les parents, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Ce film est tendre. Et j'ai été, enfin, vraiment, je suis amoureux de ce film. Ouais. Et il sera, je pense, dans mon top 10 parce que c'est pas le film cinématographiquement parlant, c'est pas la claque. Mais sur le moment, l'émotion, voilà, j'étais dedans et j'encourage vraiment tous ceux qui l'ont pas vu à se rattraper. Mmh. Pour moi, c'est juste une petite douceur qui se refuse pas. Ok, Hugh Jackman là-dedans, ça va. Il est très bon. Bah, pareil, il est un peu dans le, voilà, il joue un peu le vieux con ouais. Qui justement n'a plus parce que lui, il a eu son quart d'heure de gloire et donc en gros, il a mal tourné à cause de l'alcool et tout. Bon, il y a deux ou trois effets spéciaux qui sont un peu, oui, il y a des effets quand même. Ouais. Au moment où il saute, tu vois un peu le flou derrière. Okay. Mais c'est pas grave, franchement. Bah, C'est un film indépendant. Non, c'est la Fox qui a fait ça. Hein. Ok, d'accord, parce que moi, c'est enfin, la Fox, moi, je pensais que c'était un film indépendant. Non, non, moi aussi je l'ai cru, mais c'est bah, mais oui, non, même vu même l'affiche, hein, ça fait très film indépendant. Ouais, mais c'est vraiment voilà, ça fait du bien et je. J'ai pas envie de dire parce que j'aime pas trop le terme laisser votre cerveau à côté. Non, non, faut pas faire ça. Non, je pense pas non plus. Enfin, ça se regarde, mais ça, c'est un régal quoi. C'est une petite pâtisserie là. J'étais bien. C'est un film doudou. Ça fait du bien de voir ça. Et ouais. J'avais besoin d'un petit film comme ça. Je trouve que le mois de mai est assez formidable. Ouais, franchement, ouais, c'est vraiment sympa. Enfin, il y a pas mal de trucs qui sont sortis qui sont vraiment super sympas. Au cinéma français, on a eu des très bonnes choses. Au cinéma, des blockbusters aussi. Ouais. Là, des films qui sont un peu plus modestes quand même, parce que ça reste quand même assez modeste. Mm. Mais c'est touchant, quoi. J'en demandais pas tant. Et en plus, j'y allais à reculons. Ouais. Et Taron Egerton est quand même très très bien, même si, voilà, il force un peu, mais c'est le personnage qui veut ça, et voilà. J'ai eu les poils qui se hérissaient pendant tout ce film. Des petits frissons, le frisson de l'émotion. C'est pas parce que c'était là. La neige. Oui, j'avais froid aussi. Ouais. Mais c'est quel sport qu'il fait? C'est du ski, non? Du saut à ski, en du fait. Du saut à ski, ok. Ouais. Voilà. Donc le sport que moi, personnellement, je ne ferais jamais. Ouais, moi, j'ai jamais monté sur un escabeau. C'est dangereux, quoi. Enfin, c'est... Non, puis même, justement, je trouve que dans le film, ils arrivent bien à montrer ça, parce que moi, le saut à ski, ouais. Quand je regarde à l'atelier, pour moi, c'est anecdotique. Mais là, dans le film, quand tu le vois monter les marches, puis qu'il prend conscience que c'est haut, ouais. Bah, ça te fait quand même ressentir une certaine sensation de vertige, de hauteur, plus que le faisait The Walk l'année dernière. C'est pour dire. Non, mais vraiment. Ah ouais. Non, parce que ouais, enfin, oui, The parce Walk, que franchement. The Walk me filait le vertige, mais ouais. Celui-là, il y a des moments. Ah ouais. Je dis, oula, Eddie, n'y va pas. Voilà. Ouais. Donc, non, c'est. Franchement, c'est. En plus, c'est un film familial, donc ça peut plaire à tout le monde. C'est le film qu'on peut regarder ça le samedi soir. C'est vraiment le film pour toute la famille. C'est mm-hmm. Le film familial par excellence. Et okay. C'est dommage qu'on n'en a pas davantage parlé. Bah ouais, c'est et vrai comme que. Enfin, moi, personnellement, à part sur quelques réseaux sociaux, enfin, genre Twitter, Facebook, etc., rapidement la semaine de sa sortie, après, c'était vite oublié. À part pour. C'est ça. Pour une certaine personne qu'on connaît tous les deux, qui allait le voir plusieurs fois. Bah, oui. Bah, surtout qu'en plus cette semaine-là, il a été. Enfin, je trouve qu'il a été étouffé par le très mauvais. D'ailleurs, j'en parlerai pas. C'est pas un coup de gueule, mais le film Un homme à la hauteur avec Jean Dujardin et Virginie Efira, qui est quand même extrêmement mauvais. Ouais. Et du coup, bah, il a été un peu étouffé par ce film. C'est dommage. Ok. mais rattrapez-vous. Donc ok Morgane, maintenant on va passer à Eddie. Donc tu, comme on l'a dit avant, tu l'as vu ce matin, donc voilà. De bonne heure et de bonne humeur. Ouais. C'est tout frais. Ouais, ah oui, vraiment, mais j'ai eu le temps d'écrire ma critique, oui, j'ai justement. Été très productif aujourd'hui. Eddie Ziegler, du coup, je qui ne s'écrit pas comme ton prénom. Qui ne s'écrit pas comme mon prénom, moi c'est E2DY, mm-hmm. et là c'est E2DIE. Mm-hmm. Alors moi déjà ce qu'il faut savoir, c'est que pour me faire apprécier un film qui parle du sport, faut se lever de bonne heure quand même. Ce qui est surprenant, c'est pour ça que je l'ai regardé ce matin. Je l'ai vu à 6h30 ce matin en rentrant. Oh, putain. Voilà, donc évidemment tout le monde comprendra que je ne l'ai pas vu au cinéma, mais ouais. De toute façon c'est pas le genre de film qui passe dans mes cinémas chez moi, donc bon. Ils l'ont cherché au bout d'un moment. Hein. Voilà, un moment quand on veut avoir de la culture tout en habitant en province, on n'a pas le choix. Voilà. donc voilà. Du coup, alors moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très. J'ai trouvé que, oui, comme l'a dit Morgan, c'était très frais en fait. C'est un film qui fait du bien. C'est vraiment le terme employé. C'est ça, ouais. C'est le feel good movie par exemple. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est pareil, là encore une fois il y a des bonnes thématiques, je trouve que tout ce qui tourne autour du courage, de la détermination, c'est super bien rendu dans le film, à travers un personnage qui pourtant pourrait comme ça d'emblée inspirer plus à rire qu'à évoquer en fait tout ça, et je trouve que Taron Egerton mais il le porte très bien, et en plus il est affublé d'un look, c'est complètement improbable. Années 80. Quoi. Je veux dire, enfin, ouais, voilà, déjà, voyez le côté, quel côté années 80 qui est là. Ouais. Mais c'est vrai que Taron Egerton, il a, enfin, faut y aller aussi pour réussir à l'en dire comme ça. Et c'est vrai que là, il est laid, quoi. Hein. C'est bizarre, je l'ai pas trouvé si laid dans le film. Ah, si. Non. Mais du coup, hein. Je suis peut-être trop gentil, mais je l'ai pas trouvé si moche. Oui, je suis trop gentil. Et du coup, c'est vrai que c'est un personnage qui pourrait plus porter à l'humour comme ça. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui passent à travers lui. Et moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. D'autant plus qu'en fait, la mise en scène à côté, même si oui, le film n'est pas révolutionnaire, hein, mais je trouve que la mise en scène, en fait, a suffisamment d'onirisme. Au niveau de l'image et même à travers la musique, que du coup tout a un impact. Chaque étape en fait de son apprentissage et puis après de la compétition, ça a vraiment un impact. Et moi franchement j'ai été tenu jusqu'au bout sans aucun problème, alors que c'est un sujet qui de base me laisse complètement à côté de la plaque. Quoi. Mais je m'en fous. Je veux dire les JO d'hiver, je les regarde jamais. Enfin et voilà. Donc non, c'était vraiment très bien. Moi aussi j'ai beaucoup aimé. D'accord, ok. Mais quand vous en parlez comme ça, j'ai l'impression d'entendre, que vous parliez de genre d'un film comme Little Miss Sunshine ou des trucs comme ça. Enfin, c'est des films qui me viennent. Oui, c'est du feel good movie. Oui, vraiment, c'est un peu dans le même style. Tu vois, genre compétition, feel good movie. C'est pas le biopic à la Forrest Gump un peu. Ouais. Même si le personnage s'en rapproche un petit peu par moment, mais c'est plus léger quoi. C'est une chronique. C'est vraiment que sur. Son ascension en fait au JO en 89. Ouais. Donc ça s'approche plus de Little Miss Sunshine dans le style. Oui. D'accord. C'est bon. Et Hugh Jackman est très bien aussi. Ok. J'ai trouvé lui. Oui, il est bon. Hein. Il est pas juste venu pour chercher son chèque. De toute façon, il était content d'être là. Clin d'œil. Tu le mets 5 minutes dans un film, il est très très bien. Voilà. Parce que... Ouais. Et ça y est, on a compris. Eh oui, je suis d'accord. Mais moins bien que l'acteur qui est avec lui dans cette scène-là. D'accord. D'accord. voilà. Donc, on va continuer. Donc, avec Morgane, on va parler des quelques films qui sont sortis pour Cannes, en fait, qui sont sortis... Attention, instant cannois. Alors, vous savez, comme... à chaque fois, je le répète, en fait. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Mais Cannes, j'aime pas tout ce qu'il y a autour, mais les films, c'est sympa qu'ils sortent au moins dans nos salles. On peut apprécier de bons films dans certains cas, de moins bons. Tu n'aimes pas films. Les films des réalisateurs qui sont issus de l'école de la vie? Un peu, j'ai un peu de mal avec eux. voilà. Ça permet de sortir de très bons films dans nos salles, et je trouve ça, enfin ça c'est le seul côté positif que je trouve, que ça puisse sortir en même temps dans les salles un peu partout, et que même moi, un provincial de l'est de la France, je peux regarder ça le même jour que le Canois qui est en train de décuver de la veille, mais dans un meilleur état que lui. Donc voilà. Donc on va faire ça dans l'ordre chronologique des films. On va commencer avec des sorties de films. Donc on va commencer avec le film d'ouverture du Festival de Cannes. Donc c'est Café Society, c'est le nouveau film de Woody Allen. Son 50e, je crois, un truc comme ça. Enfin c'est pas loin des 50. Donc voilà, mais ce mec c'est un beau travail. Mais après c'est pas toujours payant non plus, hein. Mais pour, enfin personnellement, moi je trouve que pour lui c'est, enfin il continue à faire de très bons films qui sont encore très Moi j'ai revu To Rome With Love là, qui était sorti ouais. Non, c'est un de mes C'est laborieux quand même, hein. Il s'est pas très inspiré. Lui, Jasmine, c'est pareil, j'avais pas non plus. Oui, il a eu sa période un peu à vide là, dans les années début 2010 en fait. J'ai l'impression, mais sa période européenne, il y a eu du bon comme du mauvais. Ouais, hein. Genre Minuit à Paris, c'est un de mes films préférés. Ouais, Minuit à Paris est excellent. Vicky Cristina Barcelona est très bien aussi. Mais voilà, donc Café Society, c'est, enfin pour moi, il est revenu depuis comment ça s'appelle, le film en 2014 qui est sorti là sur les magiciens. Magic in the Moonlight. Voilà, merci. Voilà. Il est, que je n'ai toujours pas vu. Qui est vraiment sympa. Pour moi, il est vraiment revenu avec ce film, et du coup, là, il continue. L'homme irrationnel, j'avais trouvé ça très bien. Ah oui, le film irrationnel. Oui. Et maintenant, Café Society, en fait, il continue son petit bonhomme de chemin, mais c'est toujours très très bon. Moi, j'ai vraiment apprécié ce film. Donc, c'est avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell. Et plein d'autres acteurs. Donc ça parle d'un jeune homme new-yorkais, comme d'habitude, qui est étouffé par ses parents et qui veut, qui se rend à Hollywood dans les années 30 et qui va se trouver un job par son oncle qui bosse à Hollywood, donc Steve Carell. Et il va tomber amoureux d'une jeune femme qui est Kristen Stewart. J'en dirai pas plus parce que sinon ça va spoiler, et c'est plutôt intéressant le moment où on découvre ce qui se passe vraiment à Hollywood et tout ça, enfin avec cette histoire de avec Kristen Stewart et tout ça. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Au niveau de la réalisation, j'ai trouvé qu'il s'est surpassé sur ce coup-là, parce que il y a un jeu au niveau de la colorimétrie. C'est les niveaux de couleurs qui sont affichés à l'image, genre on sait qu'on est à Hollywood parce que c'est des teints un peu jaunâtres comme ça, et c'est vraiment très très beau, alors quand on est à New York c'est plutôt bleuté, un peu vert comme ça, mais je trouve ça, il s'est vraiment surpassé au niveau de la réalisation. Le teint jaunâtre à Hollywood parce que t'as le soleil et puis t'es sur la côte est, sur la côte ouest, ouais, c'est sûr que c'est un peu cliché, mais comme c'est fait, j'ai trouvé ça très beau. Et au niveau de la réalisation, il y a des bonnes idées. Il joue beaucoup avec ses décors. Et ça, c'est très, enfin, je l'avais pas vu faire ça depuis très longtemps, et ça, j'ai trouvé super bien. Les acteurs sont très très bons. Jesse Eisenberg, enfin, moi, je le trouve toujours très très bon. Il est toujours dans son... C'est sa deuxième collaboration, je crois. Ouais, avec To Rome With Love. Il joue toujours un peu son personnage, quoi. C'est un peu c'est un peu le personnage de Jesse Eisenberg, on l'appelle quand il doit jouer, mais en fait c'est un peu un Woody Allen quand il était jeune, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il se retrouve un peu dans cet acteur. Quand tu regardes Manhattan, Woody Allen était plus jeune, il y a un peu Jesse Eisenberg. Ouais, il est un peu. De toute façon, tous ces personnages sont un peu des nerveux, névrosés, New York. De toute façon, c'est un peu le principe de son cinéma. C'est peut-être pour ça que il y a des personnes qui aiment et il y a des personnes qui n'aiment pas du tout. Donc ça divise quand même pas mal le cinéma de Woody Allen. Moi, il y a certains films que j'aime pas du tout, mais il y a pas mal de films que j'aime bien et même ceux que j'adore. Moi j'ai trouvé ça au niveau de l'écriture très très bien. La musique, c'est toujours. J'adhère toujours au style Woody Allen pour la musique, jazz, etc. y a pas de souci. Et voilà, je sais pas trop quoi d'autre, enfin quoi dire d'autre. Donc je vais peut-être laisser. T'as toujours un côté très espiègle, je trouve, dans la musique. Ouais. Ouais, mais c'est tu retrouves justement ça. Et en plus, il joue avec la musique entre. Quand tu écoutes la musique, tu vois Woody Allen avec ses petites lunettes derrière et sa caméra. C'est vraiment l'image que ça m'a. Il est clarinettiste, on dit ça. Dans un groupe de jazz. Donc, ça s'entend. Et puis en plus, il joue avec la. Dans ce film, il joue avec la musique entre le côté californien et le côté. On se demande comment il a le temps quand même de tout faire, parce qu'en plus là c'est un film d'époque, ouais. Donc il faut recréer les décors. Les décors sont super bien faits, les costumes et tout, enfin on y croit vraiment. Enfin moi j'ai passé une heure, je sais pas combien il dure, 1h30 peut-être. C'est pas long, ouais, hein, c'est pas 1h30. 1h30 dans les années 30, justement, et enfin j'ai pas vu le temps passer et j'ai été transporté dans cet univers. Et vraiment très très bien. La fin est un peu cliché, mais je trouve que ça qu'il arrive à jouer avec les émotions du spectateur. Il aime ça, hein, ouais. Jouer des clichés. Ouais, justement. Et ça... Parce que dans Minuit à Paris, t'avais la fin très cliché avec le baiser, ouais, sous la pluie. Genre, ouais. Bah là, il fait un peu le contraire. Là, il fait un peu le contraire, mais c'est toujours un cliché, mais ça fonctionne toujours aussi bien. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce film. C'est pas mon préféré de Woody Allen, mais c'est vraiment un très très bon cru. Et, c'est quel ton préféré? Minuit à Paris. Pour moi, en plus, il est dans mon top 10 de tous les temps. Ouais, ah oui, à ce moment-là. Parce que j'ai un amour pour ce film, en fait. Donc, je me retrouve dans le personnage principal. c'est surtout pour ça, en fait, c'est très personnel. Mais je trouve le film déjà très très bien. Et puis, voilà, c'est un peu un rêve que j'ai de retourner dans le passé, tu vois, de rencontrer des personnes influentes d'une époque ou d'une autre. Donc voilà, c'est un peu pour ça que j'aime le film, et pas que pour ça, mais voilà. Café Society, c'est très très bien. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais peut-être laisser la parole à Morgan, puisque alors lui n'est pas très Woody Allen, il a pas vu tous les Woody Allen, enfin il a pas vu. Non, j'ai vu que voilà. Tout Rome With Love. Moi non plus, j'ai pas tout vu. L'Homme Irrationnel. Moi j'ai pas tout vu. Ah, c'est tout. Ouais, il me semble. Non, t'as rien vu d'autre. T'avais pas vu. Ah mince, je sais plus. Tu m'avais parlé d'autres choses, je crois, non? Ouais, je suis sûr. Attendez, je... Non, t'as pas... Meublé. Ouais, Woody Allen, c'est trop bien. non, mais... Ah, Blue Jasmine, ouais, c'est con. Blue Jasmine. Oui, bah oui, j'ai pas aimé. Oui, j'ai pas aimé. Oui, voilà. Ouais. Oui, bah donc, c'est encore une fois, ça va être... une des thématiques de ce mois, c'est les films que j'allais voir à reculons, mais qui finalement sont trop bien. Ouais. J'ai adoré, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce film. Et c'est étonnant. Enfin, et c'est étonnant d'ailleurs. Parce que toi, tu l'as dit, t'es pas vraiment... Enfin... Bah, je connais pas vraiment bien son cinéma pour dire que je suis fan ou pas, mais du peu que j'ai vu, c'est pas le truc qui t'intéresse. Qui me plaît. Mais tu les découvres au fur et à mesure qu'ils sortent. Quoi. C'est ça, voilà. Mais je en fait, le problème, c'est qu'on voit les nouveaux, mais maintenant, il faut rattraper tous les anciens. Donc moi, j'en ai vu un peu. Ouais, moi, j'en ai vu une quinzaine, vingtaine, mais après... J'ai pas vu Annie Hall, j'ai pas vu Manhattan, j'ai pas vu... Franchement, Manhattan est vraiment très bien. Annie Hall, moi, c'est un de mes préférés. Si tu peux voir Annie Hall... Matchpoint, qui est pas un des vieux, mais il est très, ouais, très bien. Très, très bien. Et la version horrifique, Annie Hall Lecter. Bref. Et ça fait de une. Une, déjà. Non. Est-ce qu'on compte les blagues à Morgan, ouais. Voilà. Et et petite info, j'ai droit, je crois, 3-4 blagues par émission. C'est ça. Vous aurez le compteur des blagues de Morgan dans les liens de l'émission. Tu mettras un effet sonore, tu mettras ding. Bah, comme, à la fin de l'année, on comptera tous les points et il recevra des cadeaux en fonction de... je vais rejoindre ce que disait Eddie. Effectivement, je découvre les nouveaux Woody Allen, mais sans voir les anciens. Donc, effectivement, j'ai un rapport avec son cinéma un peu particulier. C'est-à-dire que comme j'ai pas été méga transcendanté par les films récents que j'ai vus de lui, c'est vrai que Café Society. Moi je dis Society. Donc Café Society, j'y allais vraiment à reculons. Et puis c'est vrai que Woody Allen, d'un point de vue d'un avis très extérieur et vraiment de néophyte, je vois un peu ça comme un cinéma, un peu. Ouais, c'est bon, tu peux le dire, tu l'as déjà dit le mois dernier. Oui, beau, c'est bobo, très chic, machin, le petit doigt en l'air, le machin. Oh là là, c'est le genre de cinéma qui me. Là, j'y suis en général assez hermétique, et d'ailleurs, avant de voir le film, j'avoue, je trollais un peu sur le film avec un des agents du cinéma. S'il m'écoute, il fait un coup, mais je pense pas. Et ben, bah, il devrait. Il devrait, voilà. Et du coup, c'est vrai que j'y allais vraiment en disant, il va y avoir que des vieux et que des jeunes filles. Ça va être horrible. Et ma séance, c'était un peu devant... ça. Enfin, sauf qu'il y avait que des vieux, il y avait pas de jeunes filles. Bah, moi, il y avait beaucoup de jeunes filles et effectivement, pas mal de cheveux blancs. Et ouais. Arrivé devant le film, j'ai été pris vraiment mais d'amour pour ce film. Déjà dès la première scène, je trouve que vraiment l'immersion, l'immersion, c'est ça aussi qui est fort. Il y a une immersion. C'est pas qu'un décor, c'est vraiment. Et c'est ça qui me faisait peur parce que oui, Woody Allen dans les années 30, oui, c'est beau, c'est chic. Mais si c'était juste survolé, là non, on pénètre carrément dans cet Hollywood d'avant. Donc on y est. Ouais. Il y a vraiment une vécu vraiment le film, quoi. Et les acteurs. Enfin, parlons-en. J'ai eu. Pour moi, Kristen Stewart, qui et je me dois de la réhabiliter parce que je me souviens. Faut que... Oui, voilà, c'est ça. C'est que Morgan voilà, que... ne supportait pas Kristen Stewart. Non, pour connaître Morgan depuis maintenant, bientôt, je sais plus, ça fait longtemps, hein, beaucoup de ouais, temps. Ouais, ouais. Et ben, et ben, il l'aimait pas du tout, et là, ça change petit à petit. À cause d'une certaine saga qui s'appelait. Oui, puis même Blanche-Neige et le Chasseur, j'avais pas aimé. Sur la route, je m'étais vraiment ennuyé aussi, mais ça, le film était. C'est pas. Mais là, c'est normal. Voilà. Et ce qui me plaît chez les acteurs, c'est quand on prend des risques, quand on tente des choses, effectivement. Et Eddie m'en avait un peu parlé, je me souviens à l'époque. Il m'avait dit non, mais elle avait joué dans Le film que j'avais dit adoré là, et j'ai toujours pas vu. Ah oui, non, c'est avant ça. En fait, Kristen Stewart, elle a eu une. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'elle a eu un début de carrière avant Twilight. Oui. Et du coup, tout le monde, Panic Room. Alors c'est vrai que ça, c'est le film qu'on ressort tout le temps. Mais même pendant qu'elle faisait Twilight, elle a fait d'autres films, notamment Welcome to the Rileys avec James Gandolfini, qui est vraiment un super beau film. Ouais, il est trop méconnu, mais il est magnifique ce film, et dedans elle est très très bien. D'accord, ouais. Et Tim, je me souviens, me disait non, c'est une actrice qui a du potentiel, et il avait prédit, il m'a dit tu verras, elle aura son rôle. Et effectivement, pour moi, Six Maria a été l'élément déclencheur, voilà, elle était formidable. Et là, franchement, elle est brillante, quoi. Mmh. Et elle sera, je peux vous le dire, dans mon top 5 des meilleures actrices de l'année, parce que elle habite le film, elle a un charisme que je lui prêtais pas avant. C'est ça, pour moi, c'était une moule avant, Kristen Stewart. Bon, voilà. Anatomiquement, elle était déjà. Mais, bref. Et de deux. Non, c'est pas une blague. Alors ça, c'est pas une blague. Ça, c'est un constat qui est très vrai. J'ai pas été vérifié, mais bon, voilà. C'était tendancieux. Voilà. Et c'est ça qui m'a plu dans le film. C'est déjà l'humour. Il y a quand même aussi un humour qui me fait rire par rapport à la culture juive et tout. Et même ce rapport à la religion. Ce rapport à la religion. Justement, je vais pas aller dans les détails, dans les spoilers, mais il y a un moment où un personnage qui est juif va changer de religion par rapport à un certain détail de sa vie, et je trouve ça extrêmement vrai. C'est ça qui est marrant, c'est que t'as toujours des personnages très borderline, en fait, à côté des personnages principaux dans ces films. Et les personnages secondaires sont un gangster, il y a un peu de tout, et ça c'est vraiment super bien, quoi. C'est très foisonnant et très généreux dans son voilà. Moi je voyais vraiment ça comme un truc, une coquille vide. Là il y a vraiment une émotion, il y a une classe. Je trouve que c'est un film élégant, brillant, que j'ai adoré, et vraiment une énorme surprise, quoi. Amoureux de ce film et de Kristen Stewart. Moi j'ai aussi vraiment adoré. Il sera pas dans mon top 10 parce qu'il y a trop d'autres films, je pense, qui vont sortir et qui sont déjà sortis. Mais ça dépend. Ouais, s'il y a rien d'autre entre maintenant et janvier, d'accord, il y sera. Mais je pense que avec tout ce qu'on aura entre temps, ça devrait pouvoir. Moi je vous le conseille énormément. Même si vous n'aimez pas, moi je l'ai pas vu, mais je vous le conseille quand même parce que je pense que c'est pas le Woody Allen le moins abordable qui soit. Oui, voilà. En plus, c'est très abordable. Franchement, c'est pas non plus insupportable à écouter ou des choses comme ça. Enfin, pour ceux qui n'aiment pas, Morgan n'est pas fan vraiment, de ce qu'il a pu voir. C'est pas qu'il est pas fan, c'est parce que tu connais pas Morgan. Mais c'est ça. Genre Blue Jasmine, c'est ça, et tout, voilà, ça, bon, c'est compréhensible. Tout, mais voilà, Ce qui est bizarre, c'est que Blue Jasmine, à l'époque, on l'avait vendu ça comme le meilleur Woody Allen depuis Match Point. Hein. Je me souviens. C'est hyper nombriliste. Ah, ça avait été, mais il y a des critiques, vraiment des critiques. J'ai lu des. Moi, j'étais très motivé parce que, concrètement, c'était mon. J'avais la sensation d'aller voir, parce que Touron Mouiz Love, j'avais pas détesté en soi. J'ai trouvé ça mignon, mais les puristes n'aimaient pas trop. Et là, je me suis dit, ok, si je veux vraiment voir un vrai Woody Allen, je vais le voir avec Blue Jasmine. Et comme j'ai pas du tout aimé le film, je me suis dit, ok, bon, à mon avis, c'est pas le genre de cinéma qui. Oui, forcément, par déduction. Par déduction, voilà. Mais je suis pas fermé du tout, au contraire, vous voyez, je suis allé le voir. Et puis, c'est vraiment varié le cinéma de Woody Allen. Hein. Il y a énormément de choses. C'est riche. En même temps, au bout de 50 ans. D'ailleurs, le dernier film que j'ai vu de lui récemment, c'était Meurtre à Manhattan, et c'est très très bien. C'est une histoire de détective dans l'univers de Woody Allen, et enfin, c'est vraiment génial, quoi. Et il y a tous ces personnages habituels, mais c'est vraiment. Enfin, moi, je vous. Il y avait Scoop un peu qui était dans. Scoop aussi, ouais. Ouais, mais là, c'est vraiment sur une histoire de meurtre. Tu vois, Scoop, je sais plus maintenant si c'est ça aussi. Je l'ai vu il y a très longtemps, je me rappelle. Mais je me semblais qu'il y avait une histoire de. D'accord, ouais, mais c'est, enfin, franchement, c'est très très bien et c'est très varié le cinéma de Woody Allen. Donc, si vous ne connaissez pas, ben, moi, je peux vous conseiller de voir Café Society. Franchement, c'est une bonne porte d'entrée. C'est un très très bon film. Ça se voit vraiment super facilement. Il y a pas de souci. Et puis, si vous voulez continuer, ben, Annie Hall, Manhattan et tout ça, c'est des films à avoir vu, je pense, pour un peu aborder tout son cinéma. Voilà. Bon, on va passer ensuite à un autre film. Donc, là, on va. Enfin, moi, je vais faire plus rapide. Je pense que Morgan non plus va pas avoir beaucoup de choses à dire. Donc c'est Money Monster, un film réalisé par Jodie Foster, sorti le 13 mai 2016, pendant ce festival de Cannes, avec George Clooney, Julia Roberts, Jack O'Connell, Dominic West. C'est un film qui parle d'une personnalité influente de la télévision, économique. Il parle de En gros, un Cyril Hanouna intelligent. Non. Bah oui, parce qu'il est très influent, c'est une star. Voilà, il parle de stock, où mettre son argent, si vous voulez avoir du capital. Moi, j'y connais pas grand chose dans tout ce truc, donc je m'en fiche un peu, mais voilà. Donc, ça parle de cette personnalité qui est jouée par George Clooney et qui un jour, un spectateur arrive dans le studio de télé et prend en otage ce présentateur en disant qu'il a volé tout son argent parce qu'il a fait un mauvais investissement sur un truc qu'il lui avait conseillé. Donc voilà, c'est un film que j'ai moyennement apprécié, on va dire. Au niveau de la réalisation, déjà, on va parler des bons points. Non, la réalisation, c'est propre, c'est pas non plus... Jodie Foster a pas vraiment une marque spécifique. Ça pourrait être du Paul Greengrass. Bon, c'est sûr, la caméra bouge pas autant, mais ça pourrait être n'importe qui. Ça passerait, quoi. Mais c'est toujours, c'est toujours beau à voir sur certains plans. Après, moi, j'ai des soucis au niveau du casting, c'est très très bien, mais j'ai des soucis au niveau du scénario. Je trouve que, ils évoquent un problème qui est véritable, hein, c'est le problème comment on appelle ça maintenant, de la bourse, voilà. Il y a des problèmes avec la bourse, etc. Enfin voilà, des gens qui investissent et tout ça, et qui font perdre des millions ou des milliards à des sociétés, enfin à des gens, etc. Et je trouvais que le principe de base était assez intéressant, c'est pour ça que je suis allé voir le film, mais je trouve qu'il va qui vont pas assez loin au niveau de leur concept, et encore pire, je trouve qu'ils cachent à la fin. Je vais pas dévoiler la fin, mais je trouve que ils disent bon, ça s'est passé, on peut continuer à faire ce qu'on a fait depuis le début. Il y a aucune incidence, en fait, sur ce qui s'est passé. Donc je trouve ça vraiment dommage et je trouve ça un peu hypocrite, en fait. Voilà. Et après, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas si Morgane a le même avis que moi. Mais Non, moi j'ai plutôt bien aimé, gentiment, hein. Je trouve que est mort un peu dans tout ce qui est critique contre le capitalisme, c'est plutôt très bien fait. Mais tu trouves pas qu'elle y va pas jusqu'au bout, quoi? Enfin, Non, c'est pas parce ce que je veux dire, mais genre. Oui, ça aurait pu aller plus loin, mais je trouve que j'en attends. Bah, encore une fois, j'en attendais pas vraiment plus. Je voulais vraiment voir un côté. Bon, c'est pas aussi oxygène que je l'aurais pensé. Ouais. Peut-être là le. Non, c'est... ouais, il y a. Ça aurait pu effectivement aller plus loin et être beaucoup plus anxiogène et peut-être plus moins formaté, on va dire, parce que et effectivement, plus marquant, ça dénonce. Enfin. Voilà, ça que... dénonce quand même. C'est un peu engagé, mais ça reste un engagement, enfin, un discours ouais. un peu. C'est... À enfin, la voilà, fin, c'est vite. Ouais, bon, bah, on était engagé un petit peu. C'est bon, on a fait ce qu'il fallait. Donc. Maintenant, on peut continuer oui, voilà. à faire ce qu'on oui. faisait comme d'habitude, et puis il n'y a rien qui s'est passé. En fait, je trouve, le problème avec ce film, c'est qu'il n'y a aucune conséquence sur les personnages principaux et sur ce qu'ils font, quoi. C'est vraiment, voilà, on continue, et puis tant pis sur ce qui s'est passé. Mais et puis, voilà. C'est, je comprends, mais c'est pas... C'est non, pour moi, ça que je suis sorti de la salle, je me suis dit... Le film est plutôt bien, mais... Il y a un vrai problème au niveau de ce qu'il veut dire, parce que il évoque un truc et puis après on cache ce qu'on vient de dire et on dit exactement ce qu'on disait depuis le début, quoi. En soi, après sur le discours, effectivement, je retrouve, il existe le discours, ouais. Je l'ai compris, effectivement c'est pas hyper engagé, mais après sur le sens du suspense, sur le rythme, non, ça c'est bien. C'était plutôt haletant et plutôt bien joué. Il y avait la réalisation est très propre. Non, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Voilà, je me suis pas tellement ennuyé, quoique. Mais ouais, c'est vrai, dans l'ensemble, c'est un thriller qui m'a plutôt. J'étais plutôt investi dedans et c'est le minimum que j'attendais. Je m'attendais pas à réfléchir. Effectivement, Money Monster. Bon, déjà le titre est un peu. voilà, bon, c'est pas de la poudre aux yeux non plus, mais c'est pas. Bon, j'ai pas vu le film, mais je pense que, quitte à avoir une critique sur le monde de la finance, etc., je pense qu'il faut regarder Wall Street d'Oliver Stone, qui a l'air quand même relativement assez chiant, mais qui, au moins, je pense qu'il va au bout de son sujet et qui, pour le coup, voilà, il rentre dans le tas, si je puis dire. Mm-hmm. Là, elle le fait, on va dire, c'est gentillé. Ouais, non, mais il y a une certaine hargne malgré tout, je trouve. C'est à la fois gentillé, mais à la fois, je trouve qu'elle y va quand même. Sur quel point? Sur le fait que c'est plutôt les répliques, moi, plus que les situations qui me... Je trouve que quand même la façon dont les personnages ont à réfléchir, interagissent entre eux. Oui, voilà, interagissent entre non, eux. Non, ça et c'est plutôt les... bien, ouais. C'est plutôt. Et bien, même par rapport au personnage de la copine du. Oui, ouais. Voilà, moi je trouve qu'il y a quand même un discours qui, voilà, que c'est ce monde impitoyable de la finance que je comprends pas du tout. J'arrive déjà pas à gérer mon compte bancaire, donc un truc comme ça, bon, voilà. Vraiment, ça peut être responsable de vies complètement détruites, et ça le montre. Enfin, bah ouais, je trouve qu'il y a quand même une certaine montre, hargne, mais j'ai l'impression de me répéter, mais voilà, ça le montre, mais après vous en faites ce que vous voulez, quoi. Enfin, oui, mais je pense pas qu'elle avait envie de nous bourrer le crâne avec un voilà avec un message politique non, derrière, pas... donc, enfin, elle avait ouais. juste envie d'exposer le truc, je pense, et je trouve qu'elle le fait quand même plutôt bien. Il y a une certaine hargne malgré tout. C'est gentil, mais hargneux quand même. C'est un peu paradoxal, ce que je dis. Ouais. Mais sur le sens du suspense, sur le rythme, voilà, franchement, j'étais plutôt dedans, quoi. Mais c'est pas... J'ai oublié le film, déjà. Bah oui, moi, c'est pareil. Hein. C'est juste sur ça m'avait un peu... Ouais. Un peu interpellé sur le sujet, en fait. Mais après, le film, j'ai déjà oublié. J'ai passé un moment plutôt agréable, on va dire, mais c'était pas non plus exceptionnel. Voilà. On voulait juste parler de ça. Maintenant, on va parler d'un film qui est quand même un peu mieux. Même beaucoup mieux. Ah oui, largement. Ouais. Que tu voulais pas trop voir et que je que, dit. Que tu m'as dit, regarde-le et je suis sûr que. Enfin, tu m'as conseillé de le voir. Ouais, je savais que ça allait. Il y a un truc voilà. qui allait te plaire dedans. Et tu n'as pas eu tort parce que j'ai trouvé ça très très bien. Plus qu'au-delà des montagnes. Oui, en fait. Celui-là, je l'avais quand même beaucoup. J'avais dit que c'était le meilleur film de l'année. Ouais, ouais, ouais, voilà. Malout, tu modérais. Ouais, on va parler de Malout. De Malout, de Bruno Dumont. Voilà, de Bruno Dumont. Donc, sorti le 13 mai aussi, 2016. Donc, pour résumer, Malout, c'est quasiment impossible. Donc, je vais prendre le synopsis de Wikipédia parce que sinon. C'est impossible à résumer. Ouais, hein. Voilà. Donc, été 1910, en baie de la Slack sur la côte d'Opale, l'inspecteur Machin et son adjoint Malfoy enquêtent sur de mystérieuses disparitions. Ils se retrouvent malgré eux au milieu d'une histoire d'amour entre Malout, fils aîné d'une famille de pêcheurs aux mœurs particulières, et Billy Van Peter Peter Game, la Benjamin d'une famille de riches bourgeois lillois décadents. Voilà. Ça résume pas du tout le film. Pas du tout, du tout. Mais du tout, du tout. Ouais. C'est. Mais voilà, il fallait au moins que on vous dise un peu de quoi ça parle, quoi. Ouais. Même si c'est parce qu'au final, Malou dans l'histoire, il est tellement secondaire. Ouais. Donc voilà. Ben Morgan, si tu veux commencer. Ouais, je vais commencer. Ouais. Je sais pas par quoi justement ma critique va être aussi bordélique. Mais c'est super dur. Mon avis va être très bordélique pour le film. Alors, on a souvent tendance à dire du cinéma français que ça manque d'ambition, que ça prend pas de risque, que c'est très plan-plan, que c'est du Danny Boone, du Frank Dubosc et tout. Voilà. Et là, avec Maloute, on a quand même le film qui va diviser. Hein, Complètement. Qui divise déjà. Hein, et il y a ceux qui vont adorer. Ça divise même dans la salle où. Enfin, moi personnellement, il y a des gens qui sont barrés. Hein. Oui, moi aussi. Donc, hein, voilà. Moi j'étais là. Alors, moi c'était content parce qu'au tout début du film. Alors, encore une fois, à reculons parce que j'ai vu la bande-annonce. Ouais. Je me suis dit, ça peut être intéressant. Mais, j'ai peur parce que ça, c'est typiquement le genre de film. Si je rentre pas dedans. Au bout de 10 minutes, c'est très long. Et j'ai eu peur, surtout moi. Personnellement, au bout de 10 minutes, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh putain, je vais pas rentrer dedans. Et puis. Au début, ça passe. Il a fallu attendre un peu avec j'allais dire Eddie Murphy. N'importe quoi. Fabrice Luchini. Fabrice Luchini rendu parce que c'est un film de. C'est du n'importe quoi, mais à un excès, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Mm. En même temps, ça raconte quelque chose quand même. Ouais. Enfin, mais c'est compliqué à aborder parce que moi-même, est-ce que j'ai compris le film? Parce que c'est un film qui pousse l'absurde, le comique de l'absurde, de l'outrance, de la démesure, de la folie, de même du clairement du n'importe quoi. Il y a des scènes, c'est du n'importe quoi. Ouais, c'est un bordel monstrueux qui dure 2 heures où vraiment voilà les lois de la gravité sont absents. Il y a aucune logique. Les réactions des personnages, tout est dans la démesure. Ouais. Le jeu des acteurs. Que ce soit Juliette Binoche, Fabrice Luchini, Valeria Bruni Tedeschi, ils en font des caisses, c'est cabotinage. C'est tellement marrant. Mais à l'excès, Oui, vas-y. Ouais, les pires monstres, en fait, d'un point de vue logique, ce seraient normalement les pêcheurs. Mais... C'est ça. Mais tous ceux qui gravitent autour sont tellement pires, en fait, que finalement, on s'attache à cette famille de pêcheurs alors que c'est des gens horribles. Mais... Voilà, c'est ça. Ce sont les moins pires, alors que dans les faits, c'est quand même. Ouais. On l'apprend très vite dans le film, d'ailleurs. Ouais. Hein, on peut le dire. On l'apprend très vite. On peut le dire. Oui, on peut le dire. En fait, justement, c'est à ce moment que je me suis dit que le film. Exactement. Dans l'histoire, il est question de disparition, d'enlèvement, etc. Et on apprend que c'est cette famille de pêcheurs qui enlève les gens, mais qui en plus de les enlever, les mangent. Ouais, c'est dans la bonne annonce en plus, je crois. Ils mangent les gens. Ouais. C'est une histoire de cannibalisme. C'est pour vous dire à quel point le film va loin. Hein. C'est tellement compliqué à aborder. Et en même temps, c'est tellement absurde. Enfin, c'est tellement pris du côté absurde que ça fait rire. Parce qu'il y a les dialogues qui aident, notamment la scène où ils sont en train de manger et que les enfants disent on a plus faim et la mère sort un pied en disant il n'en reste un bout, vous n'en voulez pas. Il y a quand même, à ce moment-là, je me suis dit, ça reste quand même un film qui ose. Ouais, et autant au début, j'étais un peu sceptique en me disant j'ai peur de pas rentrer dedans et j'avais tellement peur parce qu'un film comme ça, tu rentres pas dedans, comme j'ai dit, c'est très long. Et quand il y a eu l'histoire du cannibalisme, quand tout s'enclenche, quand Luchini arrive, et Luchini qui tient pour moi le meilleur rôle de sa carrière, pour moi, là où j'ai tendance à critiquer des fois les acteurs en disant ils cabotinent, mais là c'est du cabotinage. Exprès. Mais c'est du cabotinage précis en fait. Ouais. Même Juliette Binoche, quand on la voit avec, où elle rigole, elle a des grandes airs et tout, l'air hautaine, elle est tellement géniale parce qu'on sait que c'est une bonne actrice, on sait qu'elle peut pas jouer comme ça, qu'on y a demandé de jouer comme ça et elle le fait tellement bien parce que, le cinéma, c'est aussi l'art de ne pas empêcher les acteurs de jouer. Et là, dans ce film-là, je me suis dit, les acteurs s'amusent, ils jouent. D'ailleurs, Luchini a dit que c'était un tournage, c'était un enfer, parce que même lui, il savait pas trop il a un cerveau un peu compliqué. Et même les personnages secondaires, qui sont des acteurs inconnus, je pense notamment à ce duo de flics, qui fait un peu penser à Laurel et Hardy, on va dire. Ou Dupont. Autant au cinéma, j'ai souvent tendance à ne pas aimer quand on se moque des gros. Mais là, je trouve qu'il y a tellement une poésie, c'est-à-dire que voir effectivement ce flic obèse à 1.2, enfin là-dessus je suis rassuré, moi qui me trouve gros, face à lui, j'ai l'air d'un poids plume. et le un des running gags du film, c'est le flic qui tombe et qui roule. C'est tellement... il tombe, il roule, et je trouve ça absolument... Mais juste de le revoir dans ma tête, ça me fait rire. Et même des répliques qui sortent de l'absurde, la fameuse réplique dont j'arrêtais pas de te le we dire know en what off. To do, but we do not do. C'est répété, mais c'est tellement répété qu'au bout d'un moment, ça en devient drôle. Mm. Et franchement, même là, j'ai du mal à dire ce qui m'a plu dans le film. C'est du n'importe quoi, ouais. De l'absurde, mais ça fait du bien, et surtout pour du cinéma français, oh, on est vraiment dans quelque chose de... Il y a une certaine poésie quand même, malgré tout, dans tout ça, avec justement au moment où les personnages parlent de loi de la gravité, là, ouais. Voilà, il n'y a plus de gravité, des personnages qui volent. Je trouve que c'est absolument beau, très poétique, glauque. Ouais. Drôle, enfin, il y a vraiment. Il y a tellement d'adjectifs à mettre sur ce film que. Oui, mais des adjectifs qui sont extrêmement relatifs, ouais. Selon les gens. Il y a des gens qui vont pas rire du tout. Par exemple, j'avoue, la critique de Dirandal, parce que je reste quand même. J'aime bien savoir ce qu'il pense des films, et lui, clairement, a dit que c'était mauvais, qu'il comprend pas qu'on puisse faire rire sur les gros, etc. et compagnie. Non, mais. Je peux comprendre. C'est mais... pas non plus. Ils sont pas là. Regardez le gros, là, qui tombe, enfin. C'est un peu montré comme mais tout est tellement absurde que ça c'est un peu c'est pas autant fin... oui et puis même enfin je sais pas quand je vois Malout mettre son enfin quand il doit escorter des gens avec la barque il met son il est dégueulasse ouais. il est sale et il met son petit bonnet de marin avec le pompon pour se faire un peu plus beau je trouve ça absolument et même sur les acteurs le choix des acteurs est génial l'acteur qui joue Malout et même le personnage c'est quasiment de la tous fille, des enfin ils sont des inconnus, tous oui, inconnus à part le trio qu'on a cité là ouais. Il y a une question d'un personnage de fille, de gars, androgyne et tout. J'ai trouvé le personnage extrêmement touchant. Ouais, il y a une histoire d'amour entre deux. Enfin, extrêmement bizarre. Mais moi, pendant tout le film, j'étais troublé. Hein. Je ne savais pas si c'était une fille, si c'était pareil. Un gars. Et il joue très bien là-dessus, je trouve. Il joue vraiment bien là-dessus. Et il y a même une forme de violence aussi. Ouais. Que c'est, justement, par rapport à ces. Il y a tellement de personnages, tellement de thématiques. Tellement de choses. Et tellement d'émotions par lesquelles tu... Voilà, ouais. je peux pas le résumer. Mais effectivement, c'est un film à tenter. Vraiment, tout le monde, faut vraiment que tout le monde tente le film. Il y en a qui vont rester à côté, qui vont dire c'est nul, je rentre pas dedans, c'est moche. Et il y a ceux qui vont adorer. Moi, j'en fais partie. Et c'est dommage. Je ne comprends pas comment ce film a pu repartir bredouille. Alors que, à l'époque où on nous avait dit George Miller, président, le mec a fait Mad Max, on aura un palmarès de ouf. Ouais, on a eu Ken Loach en Palme d'Or. Donc, alors que Malout, c'est un film tellement, même en termes de mise en scène, je trouve qu'il l'aurait mérité parce qu'il y a tellement de choses. Ouais, au niveau de la mise en scène, c'est vraiment très très bon. C'est beau et bon. En plus de l'absurdité de tout, du scénario, tout ça, des situations, la réalisation. Avec la réalisation, en fait, on a vraiment l'impression. Enfin, moi, quand je regardais le film, je me suis dit, mais je suis pas en train de voir un film, je suis en train de lire une BD. Mais vraiment, parce que c'est tellement bien composé. Et les situations sont tellement absurdes que j'ai l'impression de lire une BD, je sais pas, de... Alors, je tiens un exemple au hasard, Tintin, mais c'est pas du Tintin du tout. Mais il y a un côté Tintin, il y a un des deux flics qui fait très Tintin. C'est ça, les deux flics font penser à Dupont et Dupont, moi, c'est ce que je voulais dire. Moi, le plus serait les Hardy dans la corpulence. Ouais, mais voilà, on a vraiment l'impression de voir une BD qui est animé quoi et c'est complètement dingue au niveau de la composition des plans où il place ses acteurs ou comment il joue avec ses décors qui sont immenses les décors sont immenses c'est des décors naturels donc du coup il peut bien jouer avec et il s'amuse quoi c'est vraiment du pur spectacle c'est foisonnant comme film et ça fait du bien quand on en parle comme ça on a l'impression que ça va être complètement fouillis c'est un bordel pas possible alors que quand on est dedans, ça paraît tout paraît clair en fait. Tout paraît clair et c'est vrai qu'à résumer, j'ai lu des critiques sur le film écrites, chapeau parce que pour écrire dessus, compliqué déjà que moi à l'oral j'ai du mal à structurer mon avis. Après tout, on est dans le ton du film. Mais c'est pour moi voilà, c'est à tenter, tenter tous et dit tente quand même un jour. Vraiment. Je pense que Bruno Dumont est trop barré pour moi en fait. Ouais. C'est vrai que c'est mais parce que sa série apparemment Petit Quinquin justement je voulais la voir cette série, je savais pas que c'était lui qui l'avait fait en fait jusqu'à non, mais c'est vrai que enfin quand on voit un peu ces thèmes et franchement les avis des gens par rapport à ces films, on se dit vraiment qu'il est pas tout seul dans sa tête quoi. Ah mais non, c'est clair. Non, mais c'est donc mais c'est tellement donc bien. C'est ouais, mais moi je pense que, enfin, tu vois, avec le cannibalisme et tout, je pense pas que ça. Ouais, d'accord. Ça me rebute un peu, moi, donc. Peut-être pas regarder le Winning Refn, alors. Ah oui. Bon. Comme ça, t'es prévenu. Ah oui, cannibalisme, nécrophilie, il y a tout. Hein. Ouais. Donc voilà, moi franchement Maloute c'était une grosse surprise parce que je m'y attendais pas du tout. Justement comédie, j'avais vu la bande annonce et je me suis dit mais c'est quoi la, ce la truc bande-annonce, ouais, c'était c'est quoi ce truc, Fabrice Luchini qui en fait des tonnes, mais j'en ai enfin je me alors suis que c'est un pléonasme à la base parce qu'il adore cabotiner mais justement non mais justement mais là c'était vraiment tellement à un degré pas possible que je me suis dit mais c'est quoi ce truc. Et d'ailleurs je suis sûr que si vous entendez parler de ce film et que vous regardez la bande-annonce, je pense que vous dites mais ils sont fous, pourquoi ils parlent de ce film quoi, c'est quoi ce truc. mais franchement on se la pète, on aime du Bruno Dumont. Non mais franchement moi je vous le conseille énormément, même si vous êtes un peu rebuté par tout ça, c'est tenter 15 minutes de film et si vous rentrez pas dedans au bout de 15 minutes vous rentrerez pas dedans. Allez 25 minutes peut-être que ça peut. Mais je comprends, il y a beaucoup de personnes qui vont soit se barrer, bon maintenant ils étaient plus en salle, mais qui vont s'en aller avant ou qui vont couper avant, et je comprends. Ouais. Et là, je vais pas tomber dans le côté regarde jusqu'au bout. Non. Si tu rentres pas dedans au bout de 25 minutes, c'est mort. Il y a pas de problème. C'est mort, ouais. Il vaut mieux pas tenter le diable. Enfin voilà. Voilà. C'était une très bonne surprise, et moi je suis très content de l'avoir vu. Et c'était. Voilà. Je pense qu'on en a assez dit. Donc, De rien. C'est bien conseillé. De rien. Merci Morgane de m'avoir. Non, mais arrête, ça me gêne. Arrête de me dire merci. C'est gênant. Voilà. Donc, on va continuer avec le prochain film. Et ce sera le dernier film de. Ah non, l'avant-dernier film de Cannes, normalement. Ah non, l'avant-dernier. Ah oui. Ah, attends, pardon. Non. Qu'est-ce que je raconte? On va passer à The Nice Guys, pardon. Je suis désolé, je pensais direct au prochain film alors. Donc, Morgan, c'est toi, tu l'as vu tout seul, moi je l'ai pas vu. Tout seul. Une salle, tout seul, dans ma ville, tout seul, avec lui. Quoi, il n'y a personne à Rennes? À Rennes? Non, je suis de Rennes. Rouen, je suis de Rouen. Oui, Rouen. Pathédoc 76, meilleur cinéma de. Je dis ça au cas où la DRH écoute, parce que je suis un peu en train de négocier pour un boulot, donc voilà. Voilà. Je vous aime bien, Katia. Il fait passer ses offres d'emploi dans le podcast. Bah écoute, voilà, au moins j'ai mon preuve de ma motivation. Donc, The Nice Guys, d'ailleurs je l'ai vu après le film parce qu'un des sièges était cassé, enfin bref, on s'en fout. Donc, le film est allé à Cannes, et on l'a pas dit, même pour Money Monster, c'était hors compétition, hein, et Café Society aussi. Ouais. Voilà. C'est de toute façon, il n'y a aucun film de la compétition qui est ça. Enfin, si, non. Si, bah, les deux prochains dont on va parler. Donc, The Nice Guys, réalisé par Shane Black. Mm-hmm. On s'en fout. Quoi, c'est Shane Black? Oui, c'est Shane Black, oui. Mais moi, des fois, je dis Sean Blake, enfin, j'ai du mal avec son nom. Mais c'est vrai, j'y arrive pas. Donc scénariste très très réputé, il a vraiment son nom hein, dans le cinéma américain vu qu'il a scénarisé des grands titres hein, comme les L'Arme Fatale de Richard Donner, si je m'abuse, et il me semble qu'il a écrit Last Action Hero. Oui, je crois. Je me trompe je pas. Je crois. Je vais vérifier ça pendant que tu. Oui, je viens de voir scénario Shane Black et David Arnold. Donc un réalisateur scénariste qui compte. Il avait aussi réalisé Iron Man 3. D'ailleurs, il y a une photo Wikipédia absolument horrible. C'est vrai. Donc Iron Man 3, qui a été un film qui a divisé les fans, il a quand même été apprécié, mais Shane Black est un peu un réalisateur, un scénariste un peu insolent, on va dire, qui fait un peu ce qu'il veut, et Iron Man 3 était un peu, si j'aime beaucoup Iron Man 3, parce que j'avais pas trop aimé en salle, mais c'est vrai que quand je l'ai revu en me disant c'est Shane Black, et j'ai compris les ambitions de ce mec, c'est quelqu'un qui a une totale liberté sur ses films. Ouais, je pense que ça n'a pas trop plu à Marvel. Ça n'a pas trop plu à Marvel, qui n'assume tellement pas, quoi, alors que le film a été un carton, en termes de rentabilité, ça a été un gros carton. Donc Shane Black, c'est vraiment le petit malin, le gars un peu insolent, c'est le mauvais élève, enfin le mauvais élève, c'est un peu le fouteur de merde, mais qui est très intelligent. Ouais. Voilà, vous voyez. En gros, c'était moi. Ouais, j'avais pas des résultats, bon. Donc, il revient vraiment au buddy movie dans tout ce qu'il y a de plus classique, qui n'est pas sans rappeler L'Arme Fatale, évidemment. Ouais. Mais à mon sens, si j'aime beaucoup L'Arme Fatale, les deux premiers, parce que j'ai pas vu le 3 ni le 4, ouais, donc je suis un peu comme ça, je pense, en toute objectivité, que The Nice Guys est meilleur que le premier L'Arme Fatale. Ouais. Parce que, alors, ils réutilisent les mêmes recettes. C'est exactement donc la même recette. C'est Russell Crowe, Ryan Gosling. C'est ouais. Russell Crowe, Ryan Gosling. Donc, ce sont deux détectives, qui vont collaborer, alors qu'au début. C'est dans les années 80, si je me trompe pas. Dans les années 80, c'est ouais. ça. Qui vont enquêter sur la disparition d'une jeune pornographe. Ouais. Et donc toute cette disparition va relever voilà des affaires d'État. Enfin voilà, je peux pas. On est vraiment dans un scénario voilà extrêmement classique. Il n'y a rien qui dépasse. Mais il me manquait vraiment cette année, peut-être même ce mois-ci. Non, cette année clairement. Le film avec Eddie Ziegler du coup, le plaisir pur de l'action, de l'humour, de la violence aussi parce que c'est un film qui malgré tout, quand je l'ai vu, je me suis dit. Il ose quand même. Ouais. C'est quand même sanglant. Il y a du sang. Il y a un peu de burlesque aussi. C'est vraiment un film. C'est du Shane Black. Oh merde. J'arrive pas. Je vais pas y arriver. Mais si, c'est bon. C'est du Shane. Tu l'as dit. Ouais, mais oui, mais j'ai. Ah, mais à chaque fois, j'ai l'impression que je. Non, dis non, tu dis très bien. C'est du Shane Black. Ouais. Dans tout ce qu'il y a de plus classique, mais en même temps, c'est ça qu'on aime. Enfin, moi personnellement, c'est ça que j'aime. Ouais. C'est ça que j'aimais dans L'Âme Fatale, c'est cette idée de doux improbable, voilà, dans des péripéties les plus variées, etc. Et ce qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est que non seulement je trouve le doux absolument génial, donc respectivement joué par Russell Crowe et Ryan Gosling, ça fait plaisir à voir parce que je trouve, pardon, que cet acteur est l'acteur juste le plus surestimé depuis ces 10 dernières années. Merci. Je le trouve totalement inexpressif. Ah oui, mais complètement. Pas beau en plus. Enfin, je sais pas, tout le monde dit Ryan Gosling. Je le trouve, mais vraiment. Je trouve. Mais de tête, je trouve qu'il a. Il a pas une belle tête. Et il a vraiment le charisme d'une bûche. Non, moi je trouve qu'il est mono-expressif en fait. Mono-expressif, sauf dans Crazy Stupid Love, qui était vachement bien. Mais là, justement, là il est. Il a une certaine folie, une certaine. Il arrive à sourire. Il se lâche, quoi. Ah, mais il sourit, il joue en plus le rôle du bonnet, alors que dans Drive, dans les God Forgive, c'était. Ouais. Très froid, très fermé, très masculin, très viril au final. Là, c'est vraiment le punching ball de service. Russell Crowe qui est vraiment c'est une grosse masse à côté. Lui, Ryan Gosling s'en prend plein la gueule pendant tout le film. Il tape dans les portes, il s'ouvre les veines. Il arrête pas de se casser la gueule. Il tombe de balcon, il tombe de. Il arrive toutes les pires trucs du monde. Mais ça fait plaisir parce que l'acteur se lâche. Et moi, et du coup, ça me réconcilie totalement avec Gosling. Ben dis donc, tu te réconcilies avec beaucoup d'acteurs là, à ce moment-ci. Mais en ce moment, bah, avec Gosling, Kristen Stewart, et même en termes de réalisateur, je me réconcilie avec un certain, un lien avec Ryan Gosling, donc, qui s'appelle Nicolas, et de son nom de famille, Winnie Griffin, pour ne pas le citer. Donc, j'ai adoré ce film, voilà. C'est pour moi du gros buddy movie dans tout ce qu'il y a de plus drôle. Bien écrit en plus, parce que le scénario marche vraiment, l'intrigue est plutôt solide. Les personnages sont extrêmement bien développés, on sent la suite qui arrive et j'ai hâte de voir le volume 2, le volume 3, bon ça s'y tient non plus. Mais ah parce que c'est prévu que pour des suites. Oui, d'accord. La fin oui. Okay. Oui, bah clairement il a envie de refaire son L'Arme Fatale ouais, je crois. D'accord. Mais je trouve que ça prend c'est un degré au-dessus parce que dans L'Arme Fatale voilà, je trouve que c'était vraiment le même si c'était dans l'époque hein. Bah oui, bah c'était vraiment très archétype dans les personnages, c'est que Mel Gibson était plutôt voilà le flic un peu enfin, c'était le doux improbable que là en fait, ils sont complémentaires. Ils sont totalement ils sont même en symbiose, c'est que c'est pas le sérieux et l'abruti. Ouais. C'est pas du tout ça. Ils ont leurs faiblesses, ils ont leurs forces et ils sont très complémentaires et l'un répond à l'autre et tout. Au niveau des répliques, ça fuse quoi. Il y a le sens des punchlines qui n'en finissent pas. Le rythme aussi, c'est extrêmement bien rythmé. Pourtant, ça dure 1h50. Belle intrigue, très solide, réalisation très clean, avec des moments de vraie violence et des moments de folie, tout ce que j'attendais dans un film de Shane Black. Et franchement, j'ai adoré ce film. J'ai trouvé que c'était du gros plaisir qui fait plaisir. Ok, d'accord. Je peux pas en dire plus. Non, voilà, mais c'est très bien. Ça passe c'est très nickel. Bien. Ça passe très bien. Bah ouais, moi le film me tentait pas vraiment. Mais j'y ai mis 5/5, donc je suis pas. J'arrive pas à être. Je sais pas. J'ai l'impression que je suis un peu modéré, mais c'est vrai que bon, je l'ai vu. J'ai vu d'autres films à côté. Donc, mais. Sur le coup, vraiment, allez le voir, allez le voir en VO parce que la VF, moi j'ai vu en VF, franchement, ouais. La VF est pas terrible. On sent bien qu'en matière, ça se voit, il y a des blagues qui ont été traduites et je pense qu'en VO ça prend encore plus. Ouais. Mais déjà la VF m'a fait rire et puis voilà, c'est de la folie, mais c'est de la folie très stylisée, Puis même l'ambiance, l'ambiance des 80s, franchement, ça, je trouve que ça prend, voilà. Donc, allez le voir, c'est. Ok, d'accord. Une petite merveille. Merveille. Ok. Mmh. D'accord. Dans son genre, ouais. Mieux que l'arme fat. Désolé, je suis en train de boire en même temps. C'est pas grave. De l'eau gazeuse, hein, je précise, hein, no alcool. non, dans son genre, c'est. Bah, si je dois le comparer à l'arme fatale, je l'ai préféré à l'arme fatale. D'accord. Donc, ouais. Ok. Bon, bah voilà. Maintenant, on va passer à l'avant-dernier film. Voilà, c'est l'avant-dernier. L'avant-dernier film dont on va parler qui est sorti à Cannes. Donc, c'est Julieta, le dernier film de Pedro Almodovar. Sorti le 18 mai 2016 en France et le 8 avril 2016 en Espagne. Personnellement, moi, c'était mon premier film de Pedro Almodovar. J'en avais vu aucun. Aucun de ce qu'il avait réalisé. D'ailleurs, ben, je pense que je vais m'y mettre bientôt parce que c'était mon petit coup de cœur du mois de mai. Franchement, enfin, moi, j'ai passé un super bon moment devant ce film. Je trouve que au niveau de la réalisation, Pedro Almodovar, enfin, il m'a étonné. Je connais pas du tout le style de Pedro Almodovar, donc peut-être que c'est habituel dans son cinéma, mais comme il joue avec les couleurs dans ce film, j'ai vraiment adoré. Le rouge. Ouais. Le rouge. Ouais, il adore le rouge. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du jaune, enfin. Et ça symbolise un peu l'état du personnage principal, donc qui est Julieta, et qui est joué par deux personnes, puisque c'est un peu l'histoire de sa vie. Emma Suarez pour la Julieta d'aujourd'hui, et Adriana Ugarte pour la Julieta jeune. Donc, moi, ce film m'a vraiment beaucoup plu. Toi, Morgane, ça t'a un peu moins plu ? Non, c'est pas que ça m'a moins plu, j'ai trouvé ça beau. Alors, sur Almodovar, j'ai pas vu tous ses films. Ouais. Mon préféré, là, à ce jour, parmi ceux que j'ai vus, c'est La Piel Capito. Ouais. Pour moi, c'est juste une merveille. C'est le prochain film que je veux voir parce que il me tente. Ouais, il y a aussi La Mauvaise Éducation qui est Volver. Très bon. Volver, je l'ai pas vu. Il faut le voir, Volver. D'accord. Bah, ouais, mais enfin, toi, t'as vu pas mal de films, Eddie, de Pedro. Ouais, j'en ai pas vu tant que ça. J'ai vu Volver, mm-hmm. que j'avais adoré. Ouais. J'ai vu Tout sur ma mère. Oui, celui-là aussi me tente bien. Ouais. Moi, j'avais moins aimé, bizarrement. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? La Piel Capito. Femme au bord de la crise de nerfs, non? Non, ça je l'ai pas vu. Talon aiguille. Non, j'avais vu un truc que j'avais détesté. Les amants passagers. Oh, c'est une merde. Oh, désolé, mais. j'avais détesté ça. D'accord. Mais sinon, globalement, j'aime plutôt bien quand même. Ouais. Et le cinéma d'Almodovar. Enfin, est-ce que tu confirmes qu'il joue beaucoup avec les couleurs ou alors c'est juste dans ce film? Oui. Ah oui, non, non, mais Volver, c'est plein de couleurs. Ok, ouais. Parce que là, c'est. Même dans Volver, c'est clairement. De tout ce que j'ai vu, c'est son plus beau. Ouais. Hein. C'est magnifique, quoi. Mm-hmm. C'est une ode à la féminité. C'est top et les actrices sont géniales. Parmi tous les Almodovar que j'ai vus, ils sont tous différents, en fait. Hein. Parle avec elle, apparemment, qui est très très bien aussi. Mm-hmm. Quand on regarde avec La Piel Capito, entre La Piel Capito, Julieta et Les Amants Passagers, il y a un fossé énorme de genre et d'ambition. Mm-hmm. Hein, ça, La Piel Capito, déjà en matière de twist, il y a un twist à la fin qui est juste. Il y a toujours, il y a toujours, par contre, la femme est toujours au centre, ouais, du récit. Complètement. Et dans Julieta, plus que dans les autres, ouais, films. Ouais, ça se sent vraiment là. Bah, dans La Piel Capito, pour moi, elle est complètement au centre du récit. Hein. C'est vrai, ouais. Puis dans La Mauvaise Éducation, il y a des questions. Volver, évidemment, c'est toute la base du film. Et, après, Tout sur ma mère, pareil. Donc, non. Une fois que je le revois, Tout sur ma mère. D'accord. Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'y allais sans en attendre grand chose. Je me suis dit, bon, ben, c'est un cinéaste dont j'entends parler assez souvent, mais j'ai jamais vu aucun de ses films. Donc je me suis dit, bon, ben, c'est une bonne occasion pour découvrir. Et puis ben, je me suis vraiment pris dans l'histoire. Le film m'a beaucoup touché. En fait, c'est l'histoire d'une mère, en fait, qui a été. Ah non, maintenant j'allais dire un spoiler, donc je. Pas le dire, qui écrit une lettre à sa fille, ça c'est dans la bande-annonce, sur tout ce qu'elle n'a pas pu lui dire par rapport à comment elle a rencontré son père, etc. Voilà. Donc le film est vraiment très très bien. Moi j'ai passé un super bon moment devant. Au niveau de la réalisation, c'est vraiment super propre. Les couleurs, franchement, c'est le truc qui m'a beaucoup marqué dans ce film, c'est vraiment les couleurs, la façon dont il joue avec, la façon dont il arrive à les marier en fait pour signifier différentes périodes de sa vie. C'est vraiment très très bien fait. Et voilà, les acteurs sont vraiment très très bons. Mais après, j'ai pas énormément de choses à dire parce que voilà, c'était un coup de cœur sur le moment. Sur le moment. Ouais, mais enfin voilà, je lui mets toujours un 9 sur 10 sans problème parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. Mais il y a beaucoup d'étapes du film que j'ai un peu oubliées, quoi. Mais voilà, le film m'a fait passer un très bon moment. Et puis voilà, c'était un film que j'ai pas regretté d'aller voir, en tout cas. Voilà. Morgane, toi, t'as des problèmes? Enfin, non, c'est juste que j'ai trouvé que le scénario était sans surprise, en fait. Ouais. Et peut-être que j'étais tellement resté sur La Pielle qui habite, même sur La Mauvaise Éducation, qui pour moi, en termes de scénario, voilà, il y a des rebondissements absolument dingues. Et peut-être que là, je m'attendais à quelque chose d'un peu moins conventionnel, parce que tout est attendu, en fait, jusqu'à la fin. Donc j'ai pas été surpris, donc à ce niveau-là. Ah oui, parce que parce que j'étais pas habitué en fait au cinéma d'Almodovar, que j'ai plutôt aimé. Ouais. Je pense que c'est ça en fait, parce que si tu as aimé celui-là, je pense que je pense que tu vas adorer les prochains que tu verras. C'est un très beau portrait de femme, il y a pas de problème, mais j'ai pas été tant que ça embarqué dans le film. J'ai trouvé ça plutôt regardable, c'est pas un mauvais film du tout, c'est pas J'ai pas été horrifié, mais... Puis les actrices, elles sont vraiment très bien. Ouais, les actrices sont Emma Suarez, Adriana Ugarte, et même Rossi de Palma qui vole un peu la vedette parfois. Mais on a eu de toute façon cette année à Cannes, enfin parmi tous les films... Rossi de Palma, elle est géniale dans Tout sur ma mère. D'accord. Superbe actrice. Hein. Mais à chaque fois que je la vois dans les films... Elle est très drôle, elle a beaucoup d'humour. Mais là, encore, et même sur elle-même, elle sait même... Parce qu'on va pas se mentir, elle a quand même un visage assez atypique. D'ailleurs, elle ressemble énormément à Gad Elmaleh en chouchou, je trouve. C'est vrai. Et elle le sait justement. Elle a énormément d'autodérision sur elle. Elle sait qu'elle ressemble à Gad Elmaleh. Non, elle sait qu'elle a un visage assez atypique. Ouais. Et Almodovar. J'adore les chouchous. Et Almodovar. Et Almodovar l'aime pour ça justement. C'est une femme avec du caractère et elle joue absolument, mais elle est juste géniale. C'est pas pour rien. Oui, de toute façon, c'est une des particularités de son cinéma. C'est un cinéma où il met la femme en valeur, mais c'est surtout des femmes avec des caractères bien trempés. C'est pas pour rien. Moi je pense à Volver, forcément. Enfin, on dit à Moldovar, je pense à ce film-là, c'est celui qui m'a le plus touché dans ce que j'ai vu. Mais c'est vrai que c'est Penélope Cruz, elle porte vraiment le film sur ses épaules. Alors il y en a qui vont trouver que ça cabotine et tout, mais après le cinéma espagnol, c'est très particulier parce que déjà la langue espagnole, c'est accompagné d'une gestuelle. Ça, on peut pas faire autrement. C'est comme le cinéma italien. Les langues latines, ça part beaucoup avec les mains et tout. Et c'est vrai que nous en France et au-dessus, pas latin quoi. On est moins dans cette gestuelle et tout. Et nous on prend ça pour du capotinage, mais en fait c'est pas du tout le cas quoi. Et c'est vrai que moi dans Volver, c'est que Penélope Cruz m'avait énormément marqué. Elle avait une prestance mais franchement ce film est sublime. Chaque fois que je le vois, ça me bouleverse complètement. Là en fait, je m'attendais pas, personnellement moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait un twist, je m'attendais juste à une histoire sympathique, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai été un peu surpris et que j'ai beaucoup aimé le film en fait. Et que je savais pas qu'Almodovar faisait des twists à quasiment chacune de ses histoires et donc je m'attendais pas à quelque chose comme toi, Morgane. Tu t'attendais absolument à un truc renversant. Non, je m'attendais pas forcément à un twist, mais vraiment je m'attendais à être plus surpris que ça. D'accord. Peut-être que j'y allais trop d'espoir, quand même. D'accord. D'ailleurs, je viens de voir une phrase je viens de voir une interview de Rossi de Palma. Elle dit: mon nez est un mystère comme les pyramides. Je trouve ça absolument génial. On ne sait pas si je suis une belle moche ou une moche belle. Tu vois, rien que ça, cette femme a énormément d'autodérision sur elle, quoi. Et puis elle est très très très très bien, elle joue très très bien dans le film. Il n'y a aucun souci. Et j'ai oublié de le dire, mais le film est basé sur d'après trois nouvelles d'Alice Munro. Donc c'est une écrivaine canadienne. Et le enfin pour moi le scénario m'a beaucoup plu. J'ai un peu de mal parce que le film j'arrive plus trop à dire pourquoi j'ai aimé, mais je sais que j'ai aimé. Il faudrait que je le revoie, je pense, mais moi je vous le conseille. Si comme moi vous avez pas vu d'Almodovar, peut-être qu'il faut peut-être mieux voir, je sais pas, Volver ou La Pielle qui habite. Volver, c'est une bonne porte d'entrée, une bonne mise en bouche. Ouais, d'accord, c'est vrai que c'est abordable. Non mais Roulietta aussi, hein, c'est oui, vraiment, oui, j'en doute pas, oui, je pense, hein. C'est ouais. Vraiment un film, ça se regarde tranquillement. C'est peut-être un peu méchant ce que j'allais dire, mais c'est comme si on regardait un petit téléfilm sur TF1 le dimanche après-midi, quoi. Enfin voilà, ça qualifie pas trop le film, mais parfois ça se fait ressentir. Enfin, il y a certains moments où ça se ressent un petit peu, même si au niveau de la réalisation c'est 100 fois au-dessus de tous les téléfilms qui existent, mais enfin voilà. Morgane, t'as quelque chose à rajouter ou on peut passer au prochain? Non, on peut passer. Ok, on passe au prochain. Donc c'est Elle, le film que je voulais absolument aller voir, jusqu'à ce que ma voiture me lâche. Ah merde. Et donc What the hell. Ouais, et donc je peux pas aller au cinéma en ce moment, donc je suis triste. Hein, mais voilà, tu as pu voir Elle, What the hell, justement. Comme voilà, tu What disais. The hell. Et donc. C'est bien. Ce serait bien. Attends, si je reprenais les critiques un jour, j'aurais pu faire ce. Ce jeu de mots, mais tu peux le faire maintenant, ouais. Tu vois. Donc, justement, parlons d'un film qui a été, après Malout, hein, justement, parce que Nice Guys... Ah bah non, Roulietta est aussi en compétition, désolé. Donc, le film de Paul Verhoeven, qui est lui aussi reparti bredouille, et c'est une injustice totale. Ouais, j'imagine. Ne serait-ce qu'aussi pour le prix de la meilleure actrice, parce que, voilà, c'est elle, c'est une ode à Isabelle Huppert. Alors, si vous n'aimez pas Isabelle Huppert, il se peut que ce film-là ne passe pas dans votre cœur, et parce que, en plus, le film fait... Il y a une polémique qui entoure ce film par rapport à son propos, par rapport à son message. Donc c'est l'histoire de Michel, donc qui est joué par Isabelle Huppert, qui est responsable dans une société de production de jeux vidéo. Ah ouais. D'ailleurs c'est un détail assez important dans l'histoire, parce qu'il y a un rapport aux jeux vidéo dans le film. On voit même une affiche de The Last of Us derrière. C'est cool. Il y a un propos sur les jeux vidéo qui peut agacer certains parce que bon après c'est Paul Verhoeven. Hein. Les jeux vidéo rendent violents. Non mais oui et non, c'est-à-dire que je vais s'il te plaît ne spoil pas parce que j'ai vraiment envie de le voir. Non, je vais pas spoiler, mais c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y en a Morgan, qui vont dire... Non mais j'explique juste. C'est juste à double tranchant. Il y en a qui vont penser que ce propos-là c'est en rapport aux jeux vidéo, mais moi je pense pas, c'est en rapport avec un détail, bref, je peux pas en dire plus. Donc c'est l'histoire de Michel, qui est donc interprété par Isabelle Huppert, qui est responsable donc, dans une société de conception de jeux vidéo, exactement, qui un jour va se faire agresser par un inconnu, physiquement et sexuellement. Mmh. Donc dans un premier temps, elle va pas en parler à la police, et en fait elle va jamais en parler à la police, vu que dans son passé elle a eu un rapport avec les policiers, mais j'en dis pas plus. Merci. Mais c'est très, non mais c'est, t'inquiète pas, je dis pas quoi, mais c'est voilà, on comprend qu'elle n'a pas envie de voir la police, il y a un rapport aussi, mais il y a aussi autre chose, c'est que il y a une histoire aussi de syndrome de Stockholm, à savoir que même quand elle en parle à ses proches, elle a pas l'air si horrifiée que ça. Ça se voit dans la bande annonce. Elle enfin, est oui, plutôt, bah en même temps c'est Isabelle Huppert, pour jouer la névrosée complètement psychopathe, on pouvait pas choisir mieux. Donc voilà, c'est, il y a une histoire voilà de, donc c'est pour ça que le film fait débat, parce que il y a un côté le ça approuve le viol, et c'est un film qui dit que le viol c'est bien, ce n'est absolument pas vrai, et j'ai envie de dire on s'en fout au passage, parce que c'est avant tout le portrait d'une femme névrosée qui a eu un passé un peu douteux, qui a eu une vie sexuelle totalement froide, et qui va découvrir ses pulsions sexuelles grâce à cet événement triste. Mais c'est justement un film là-dessus, sur la psychologie complètement tordue, complètement complexe justement de ce personnage dont on ne sait pas si c'est une femme droite dans ses bottes. Enfin, c'est vrai que le film justement provoque un certain malaise. Ouais. En plus de ça, quand on le regarde, il est quand même évident que Paul Verhoeven, qui signe quand même son premier film français, et là, ça faisait peur les puristes, parce qu'on est bien loin de Total Recall et de Starship Trooper. Hein. Voilà, c'est pas du tout ça. Mais il est toujours dans sa critique, dans son esprit de critique de société. Ah, mais c'est même pas qu'une critique, c'est que, c'est, en plus, c'est même pas qu'il critique la société, là, il critique bon, peut-être un petit peu, mais c'est, je pense surtout qu'il critique clairement le cinéma d'auteur français. Ouais. Et c'est un film qui te, mais qui, c'est un coup de fouet, mais c'est un coup de poing, une critique complètement acide sur le cinéma français. Et Paul Verhoeven arrive justement, avec, avec tous ses, toute sa maîtrise, toute sa culture et toute sa passion. Et se dit, je vais apporter de ma patte au cinéma français, mais je vais pas faire dans le conventionnel, le pseudo-drame bourgeois sur le viol et tout. Non, non, il va complètement électriser tout ça, mettre en scène donc Isabelle Huppert, qui pour moi, mais déjà cette année, dans l'avenir, elle était exceptionnelle. Et je pense que je peux dire que c'est la, même avec Charlotte Gainsbourg, je suis obligé de la défendre, une des plus grandes, enfin la meilleure actrice française, parce qu'elle joue, à la perfection cette névrosée, cette bourgeoise... complètement cucérée, si je puis dire, totalement froide, mais en même temps un peu psychopathe, parce que pendant tout le film, même jusqu'à la fin, je me suis demandé, mais est-ce que je dois être attaché par le sort de ce qui lui est arrivé, parce qu'effectivement une histoire de viol c'est tragique, ou est-ce que je dois justement, est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle est méchante, enfin, là je résume un peu grossièrement parce que j'ai vraiment pas envie d'aller dans le spoiler, parce qu'il y a quand même une intrigue derrière sur qui a violé cette donc voilà, donc elle va justement là où c'est troublant, c'est que ce personnage cherche à enquêter sur qui est le mystérieux agresseur, mais on sent que c'est pas pour se venger, c'est parce qu'elle veut mettre un visage, parce que clairement elle a aimé. Et du coup il y a une espèce d'ambiguïté qui s'installe pendant tout le film, un cynisme et une ironie pour moi évidente de Paul Verhoeven sur le cinéma français, parce que c'est vrai que le cinéma français c'est quand même assez formaté, les drames bourgeois on en a vu mille, et franchement parfois il faut vraiment se les coltiner parce que c'est vraiment pas possible. Là justement il apporte de son ironie, de son il y a un espèce de second degré derrière tout le film, avec un propos très sérieux, et du coup c'est un film un peu hybride et qui est très troublant, très déstabilisant, mais que moi personnellement j'ai adoré. D'accord, en termes de mise en scène, voilà, il y a des plans qui sont très très beaux, mais c'est surtout c'est voilà, Paul Verhoeven, enfin, il sait toujours bien faire. Enfin, des plans, ils sont toujours très beaux. Bon, c'est sûrement bon, c'est moins, on va dire, tape à l'œil que Total Recall, mais vraiment, ça m'a rappelé un peu le cinéma de Michael Haneke, c'est-à-dire ce cinéma un peu malaisant, un peu complexe à aborder. On sait pas si on doit rire, parce que il y a des moments drôles dans le film. Il y a des moments où tu rigoles. Ouais. Tu sais pas si c'est voulu, tu sais pas si, mais évidemment quand c'est Verhoeven, quand tu analyses un peu le truc, tu comprends que il cherche vraiment à te faire rire très très jaune. Et c'est ça qui m'a plu dans le film, c'est ce côté. Bah là voilà, en termes de film français, on a eu Malout et on a eu Elle, qui pour moi sont deux films ambitieux dans leur genre. Bon, Malout est quand même, c'est de la folie pure. Là, Elle, ça prend un sujet très sérieux et très grave, ça te l'ironise et ça ose justement aller à l'encontre de la morale. Parce que vraiment, le personnage d'Isabelle Huppert, pour moi, enfin, après, c'est discutable, pour moi, il est totalement amoral. Mais ce personnage est tellement génial, parce qu'Isabelle Huppert, enfin, pour moi, le prix d'interprétation aurait dû aller à elle, et à Elle Fanning, du coup, à Isabelle Huppert et à Elle Fanning. Un ex aequo, ça aurait été, enfin, génial, enfin, la doyenne, en tout cas, de la sélection, et la petite jeune, enfin, vraiment, je trouve que c'est un portrait de femme, encore une fois, absolument, mais dingue. Et c'est une, pour moi, je l'ai pris vraiment comme une expérience. Parce que pendant tout le film, j'étais surpris. Même de l'intrigue, quand on apprend l'identité de l'agresseur, honnêtement, j'ai été surpris. D'accord. J'avais peut-être des œillères, mais je l'ai pas vu venir. D'accord. Donc, c'est de la maîtrise, c'est beaucoup d'ambiguïté, mais, franchement, j'étais fasciné par la complexité morale du film, quoi. Vraiment, j'avais le cul entre deux chaises, et c'est ça qui m'a plu, parce que le cinéma, ça aussi, ça m'a retourné le cerveau. Je me posais mille questions pendant le film, et aussi mention spéciale à Alice Izaz, qui est dans le film. J'ai vraiment du mal avec elle, enfin, je l'aime pas elle en tant que personne. Je trouve qu'elle est tête à claque comme Mélanie Laurent, et c'est une actrice je la trouve pas. Non, mais tu vois, tu fais comme ça en même temps. Ah oui, c'est vrai, ça s'entend. Oui, c'est vrai. Oui, je parle avec les gestes. Et dans le film, elle est absolument géniale. Mais tous les acteurs sont super. Laurent Lafitte aussi, Charles Berling, Virginie Efira. Ouais, il y a Virginie Efira dedans. Oui, qui joue le rôle de ce Laurent Lafitte et Virginie Efira. C'est un couple un peu de cato qui aime bien. Enfin voilà. Et justement, tout ça, c'est de l'ironie. Ouais. Tout ça, il y a du second degré. Mais en même temps, derrière, il y a ce propos très sérieux, très froid. qui est troublant. Mm-hmm. Et c'est un film troublant. Ouais. Là encore, aujourd'hui, j'y pense. Ok. Ouais. Ben moi, ça, enfin moi, j'ai toujours autant envie de le voir, mais bon. Voilà, les aléas pas du direct, de la mécanique m'empêchent de le voir, mais voilà. J'espère qu'il passera encore quand j'aurai réparé la voiture, parce que j'ai absolument envie de le voir au cinéma. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on peut passer à la prochaine rubrique ? On peut passer à la prochaine rubrique. Ok, on passe tout de suite au film du mois. On est donc à la deuxième rubrique de ce podcast qui est le film du mois. Donc on va parler ce mois-ci du film X-Men Apocalypse réalisé par Bryan Singer qui est sorti en France le 18 mai 2016, voilà, et aux États-Unis le 27 mai 2016. On retrouve, alors au casting, c'est comme pour tous les films de super-héros, ça va être compliqué parce qu'il y a tellement d'acteurs. Ah oui, alors je vais laisser dire deux noms à Morgane, puisque je pense que ça va lui faire plaisir. Donc ouais. je fais tous les acteurs et après tu pourras parler de deux noms, ok? Ah oui. Donc on retrouve Alain Delon, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Oscar Isaac, Nicolas Hoult, Rose Byrne, Sophie Turner, Evan Peters, Alexandra Shipp, Cody Smith McPhee, Olivia Moon, Ben Hardy. Voilà. Vous m'avez dit de dire. Et Lucas Steele encore, voilà. Et on retrouve aussi Morgan. Michael Fassbender, Dieu, Michael Fassbender, Deus. Ouais. Mais aussi Deus. Le Dieu, le. The crème de la crème. Le grand, la crème de la crème. The crème of the crème. Ah, non, parce que aux États-Unis, tu dis la crème de la crème. C'est, ah bon, ouais, tu utilises l'expression française. Oui. Ah bon? Attendez la crème. Oui, non, mais c'est vrai. Mais vas-y, continue. Non, mais bien sûr, c'est Ty Sheridan. Oui. Le Ty Sheridan. Le plus grand, je sais pas, mais le plus. Oh, voilà. On va commencer la chronique, hein, parce que oui, ça devient légèrement gênant. Non, mais je sais pas. Je perds tous mes moyens quand je parle de lui. Non, mais objectivement, c'est un super acteur, voilà. Mais vous connaissez mon amour pour lui, voilà. Mais c'est vrai qu'attends, dans un film avec Michael Fassbender, Ty Sheridan, je pense qu'à mon avis, la Fox, ils ont dû se dire... Ils ont dû penser à moi. Je pense qu'ils me connaissent. Non, mais je suis sûr. Le mec, pas du tout un but de lui-même, quoi. Non, mais c'est comme Spielberg. Au bout d'un moment, s'il a pris Ty Sheridan pour Ready Player One, Spielberg sait que je l'aime, il sait que Ty Sheridan, c'est... Enfin, voilà, c'est ma vie, quoi, clairement. Donc, il est merveilleux. Bon, ouais, comme Eddie le dit. Parlons cinéma maintenant. Commençons exactement. Enfin, exactement. Donc, voilà, c'est le troisième film de la prélogie X-Men qui avait commencé avec X-Men le commencement. Et dernier, hein, troisième et dernier, hein, la fin. Normalement. Je sais pas maintenant. Je... Enfin, la fin de la trilogie, mais effectivement, moi, ça, c'est... il y aura moi, des c'est suites. Pas, hein. C'est pas vraiment une prélogie. Hein, ouais, c'est des... mais enfin, j'ai pris comme il se passe quand même avant et. Ouais, mais bon. Il y a des j'ai pris comme tel. Hein. Le Days of Future Past a quand même des liens entre X-Men, enfin la première trilogie et la deuxième. Enfin, bon après, voilà, ça se passe avant, voilà. Donc maintenant, cette nouvelle trilogie, si vous voulez, se passe avant. Donc, il y a eu le commencement qui se passait dans les années 60, ensuite Days of Future Past qui se passait dans les années 70, et maintenant c'est Apocalypse qui se passe dans les années 80. Voilà. Donc, qui veut commencer par parler de X-Men? Ben moi, je veux bien. Ouais. Ah oui, parce que toi, t'as pas parlé du tout depuis. Ça fait un petit moment que je parle pas. Non, bah, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Alors, ben moi, j'attendais beaucoup X-Men Apocalypse. Même si j'étais pas hyper rassuré par les bandes annonces, je trouvais pas ça beau en fait. Et j'avais peur du côté un peu trop un peu trop comics, caricatural de du apocalypse justement du méchant. Ouais. Et en fait, j'ai été agréablement surpris. Alors pas autant que Days of Future Past parce que moi j'avais adoré. Mm-hmm. C'était, j'avais même préféré Days of Future Past au Gardien de la Galaxie en 2014. Ouais. Donc voilà. Et du coup, là, j'ai beaucoup aimé. Bon, même si je me suis indigné dès la première scène, hein, parce que niveau mythologie égyptienne, ouais, c'est enfin, mais... au ras des pâquerettes, mais bon, la scène est quand même super cool. Ouais, et puis les décors et voilà. Tout, enfin voilà quoi, c'est pas. Oui, non, ça ouais. A de la gueule, mais c'est vrai que sinon. Mais après, tu dis que c'est un truc revisité par Marvel, c'est comme la mythologie nordique, c'est pas du tout. Enfin, quand tu regardes Thor, tu vois pas un truc sur la mythologie nordique. Hein. Non. C'est pour ça que ça passe. Voilà. Bon. C'est réadapté. Je m'indigne pas comme dans Pyramide. Oui, voilà, parce que Pyramide, c'est censé être... Bah, c'est censé voilà. Être proche. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, moi, j'ai beaucoup aimé. Mm-hmm. Parce que c'est X-Men, ouais. Déjà. Et parce que c'est Bryan Singer aussi. Et parce que Bryan Singer aussi. Et en fait, ce mec, il a un tel amour pour ses personnages. Ouais. Oh, j'allais le dire, tu m'as volé une de mes... Du coup, ça se... Ça se ressent sur tout le long métrage, ouais. Quoi. Et on sent que c'est vraiment des personnages qui l'affectionnent et puis qui comptent beaucoup pour lui parce que je pense qu'il se projette aussi beaucoup à travers eux et du coup, ce qui est super, je trouve, c'est qu'il fait vraiment des films. C'est pas forcément des films personnels. Le premier peut-être, mais avec le personnage de Malicia. Ouais. Mais je trouve que voilà il a une manière de traiter ses personnages qui est très intéressante et pour moi clairement les deux meilleurs segments de ce que tout le monde aime à appeler la prélogie mais moi j'aime pas trop ouais. c'est Days of Future Past et c'est celui-là quoi. Parce que je trouve que ça apporte vraiment quelque chose et bon, le commencement est très bien aussi dans son domaine, mais c'est pas pareil. Je trouve que c'est cool quoi. Après, voilà. Après les merdes qui étaient X-Men 3 et X-Men Origins voilà. Wolverine. Et alors justement, on sent que justement Bryan Singer a aussi cette volonté de vouloir rétablir l'ordre, d'effacer ce qui s'est passé après X-Men 2. Voilà, il a fait Days of Future Past pour justement partir sur une nouvelle ligne temporelle et ça, c'était justement super bien de narration et du coup ça évince certains éléments beaucoup d'éléments de X-Men 3 donc tout ce qu'il y avait de très incohérent parce que franchement le personnage du Phénix est très classe dans X-Men 3 son traitement je vais pas spoiler Apocalypse mais je trouve que Famke Janssen elle est très bien en Jean Grey aussi. Et je trouve que le Phénix lui allait très bien aussi. Après, c'est le traitement du personnage dans ce film qui, bon, voilà, c'est à chier. Mais les scènes avec le personnage sont quand même assez classe. Oui. La scène de fin avec Wolverine, franchement, ça dégueule. Oh, tellement. Et j'ai toujours pas revu ce film, mais il est gravé dans ma mémoire. Voilà, mais moi aussi. Mais après, je le revois et qu'il me gêne pas, hein, ce film. C'est vrai qu'il est carrément moins bien que les autres. Non, attends, mais, tu parlais de X-Men 3. X-Men 3. Ah oui, non, je déteste ce film, pardon. Je pensais que tu parlais de Days of Future Past. Ah non, moi je déteste pas. Je sais qu'il a des problèmes, et moi aussi je trouve qu'il a des problèmes, mais c'est un film que j'aime bien. Et justement, je trouve que Famke Janssen, elle est bien en Phoenix. Oui. Mais le traitement alloué au personnage est pas satisfaisant. Mm-hmm. Mais après, il subsiste quand même des scènes vachement bien, notamment celle avec Wolverine à la fin. Ouais. Donc, du coup, on sent qu'il a envie de rétablir tout ça. Mm-hmm. Puisqu'elle est pas forcément dans les autres. Segment et puis les autres films plus centrés sur Wolverine. Ouais. Bien qu'il se rattache moins quand même à Wolverine, mais plus à l'équipe des X-Men en général. Mm-hmm. Et je trouve qu'il fait ça très bien parce que justement il arrive à remettre en ordre certaines choses qui n'allaient plus du tout. Et au départ on peut prendre ça pour des incohérences. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu le film la première fois, j'ai été surpris en fait de voir que finalement Jean Grey rencontrait Diablo beaucoup plus jeune que dans X-Men 2. Ouais. C'est vrai que je me dis oui mais du coup Days of Future Past remet en cause beaucoup de choses. Oui. Donc ça passe finalement, voilà. Ça trouve une logique. Il a réussi à faire ce que George Lucas n'a pas réussi à faire. C'est ça. Bon, en même temps, il a pris des meilleurs acteurs. Ouais, aussi. Voilà. Et du coup, cette nouvelle histoire fonctionne très bien. Alors, même si je trouve que c'est quand même un cran en dessous de Days of Future Past, parce que Days of Future Past, c'est qu'il y avait vraiment la démarche derrière qui tenait, qui était très bien. Mm. Ici, c'est vrai que bon, c'est vraiment, c'est plus bateau quoi au niveau du scénario. Ouais, mais c'est vraiment enfin... le gros méchant qui veut anéantir le monde et tout. Et ouais. Bon, c'est ça reste quand même plus classique. Il y avait vraiment, alors que dans l'opus précédent, il y avait vraiment une extermination visée des mutants. Donc c'est, je trouvais qu'en termes de thématique, même politique un peu, c'était plus intéressant que ça. Ouais. Bon là c'est vrai que c'est un peu plus caricatural, mais le divertissement par contre il est là aussi. Et ça c'est important, parce que ça rappelle aussi que dans les films de super-héros, ils sont aussi là pour nous aider sur certains sujets, mais c'est vrai que le divertissement n'est pas non plus à mettre de côté. Et ce qu'il fait très bien aussi dans ce film-là, c'est que il étoffe déjà tous les backgrounds de personnages aussi. Qui se sont bon, bien étoffés au fil de la saga, mais il y a toujours, finalement, on se rend compte qu'il y a toujours des choses à apprendre sur eux. Et notamment le personnage de Magneto, je trouve que c'est, il est encore une fois, c'est clairement lui le plus intéressant. Hein. Bah, ouais. Avec Charles Xavier, c'est vrai, de toute façon, c'est les deux têtes d'affiche de cette nouvelle trilogie. Et je trouve que voilà, moi, la scène avec Magneto m'a quand même. Oui. Ouais, ça m'a ému pour le personnage, parce que c'est vrai que c'est même pas un méchant, c'est plus un anti-héros, lui, c'est pas, il y a quand même quelque chose d'assez touchant dans ce personnage-là, déjà au départ. Parce que tout son passé, et finalement il est animé par un désir de vengeance, mais on comprend en fait ses motivations. Donc je trouve que voilà, le film fonctionne très bien et le rythme est pas mauvais non plus. Non, pas du tout. D'autant plus que c'est rythmé par l'émotion surtout. Mm-hmm. C'est un film qui laisse vraiment pas l'émotion de côté et ça c'est très bien. Voilà, moi j'ai été vraiment très très satisfait. L'arrivée des versions jeunes des mutants, enfin des X-Men qu'on connaissait déjà, ça passe très bien. Ouais. Je veux dire. Du coup, Ty Sheridan en Cyclope, il y a pas de problème. Enfin, oui. Ça, il a vraiment le, il est vraiment comme on se l'imagine, quoi. Il est encore mieux. Alors, objectivement, hein, il est largement mieux que comment il s'appelle, James Marsden, je crois qu'il s'appelait. Faut pas les comparer, parce que je trouve que ça se compare pas, parce que les personnages sont pas à deux stades, ils sont pas au même stade non plus. Oui, mais il avait le personnage était quand même beaucoup plus effacé dans l'ancienne trilogie. Là, il apporte quand même. Oh, je le trouvais quand même fade. Oh, plus effacé. Il était pas fade, mais il était plus effacé. Mais en même temps, les films, ce film-là, c'est qu'il se concentre aussi sur les jeunes X-Men. Oui, c'était pas le but des autres. Enfin, moi, ce dont j'avais peur, c'était pas vraiment le côté apocalypse. Il va faire, ça va être un truc numérique bizarre. Ou alors avec des costumes bizarres. Mais moi, c'était plutôt l'arrivée des versions jeunes, en fait, moi, qui me faisait peur. Personnellement, Sophie Turner, je la connaissais de Game of Thrones, ok. Après. Il y avait Cody Smith McPhee que j'avais jamais entendu parler, qui joue Diablo, une version jeune de Diablo, qui est vraiment excellent, très très bien. Parce que j'avais peur, parce que c'est un de mes personnages préférés. Et il écorche son nom de famille. Justement, je vais dire un truc qui va pas te plaire. Non, mais qui va te plaire au final. Alors, moi j'avais vraiment peur, parce que Cyclope c'est aussi un de mes personnages préférés du comics et de. Axel a beaucoup de personnages. Mais X-Men, il y a tellement de personnages et ils sont tellement trop bien. ils sont tellement bien. Enfin, leur histoire est super intéressante et tout. Mais voilà, Cyclope et Diablo, c'est deux de mes personnages préférés et. J'avais peur que Ty Sheridan ne remplisse pas le rôle. Comme je me l'imaginais en fait, mais finalement, il joue très bien. Voilà, je crois que je l'ai pas vu dans d'autres films en fait, donc du coup c'est pour ça que j'avais pas de point de repère. Et il a pas vu The Tree of Life. Voilà, donc. The Tree of Life, c'est léger quand même comme apparition. Hein, bien sûr, mais. Voilà. Faut voir Joe avec Nicolas Cage. D'ailleurs, il a eu un prix. Mais attends, je l'ai vu. Faut voir Mud. Non, mais j'ai vu Joe. En fait. Ah ouais, il t'a pas marqué. Non, je l'ai oublié. Désolé, hein, mais je pensais, enfin voilà, mais il m'a surpris franchement, et pour moi cette nouvelle équipe est vraiment, enfin ces trois jeunes, enfin il y a plus maintenant, il y a Tornade aussi qui se rajoute aussi, mais après moi c'est vrai que j'ai juste le seul truc qui me tiquait, c'est parfois les choix un peu artistiques. C'est vrai que bon, déjà Apocalypse, mais bon, en même temps, on sait que c'est un mutant qui vient d'une autre époque, ouais. Il est très ancien, donc ça passe. Mais c'est vrai que les nouveaux, là, avec leurs costumes, un peu. Je suis moins fan. Je vois. Ouais, c'est un côté un peu manga, je trouve. Je suis pas fan de ça. Ouais. Sinon, après, moi, je suis très. Je suis quand même très Jean Grey. Hein. Ouais. Enfin, je trouve que c'est vraiment un personnage intéressant, et là du coup, j'étais content de voir le traitement qui lui est accordé. Mais je trouve et que tous les personnages sont vraiment bien développés. Hein. Et que du coup, même au niveau de ses pouvoirs à elle, c'est quand même vachement plus intéressant ici que ce qui a pu être montré, pas dans les deux premiers, mais dans le troisième surtout. Il y a une meilleure gestion, il y a une meilleure gestion du Phénix aussi, hein, parce que finalement, ça fait partie intégrante de ce personnage. Ouais. Et je trouve que voilà, le traitement fonctionne bien ici. Ouais. C'est la principale qualité du film, c'est ça, quoi. C'est qu'au niveau des personnages, c'est super bien traité. C'est le point fort, ils hein. Ont tous même fini. Si, du coup, c'est vrai que, du coup, les personnages sont tellement bien traités, les personnages principaux, que Apocalypse peut paraître un peu délaissé, alors que c'est le grand méchant, et qu'en plus on a quand même Oscar Isaac sous le costume, qui est quand même pas non plus l'acteur le plus mauvais qui soit. Je trouve que c'est un plutôt un très bon méchant, enfin je veux dire, tu regardes Apocalypse dans ce film, et ben il éclipse tous les méchants de Marvel Studios depuis le début, hein. Enfin oui c'est sûr, il est carrément plus intéressant. Ultron n'est pas intéressant, non. Mais par exemple Loki, je le trouve vachement bien. Ouais, Loki, ça, ouais, d'accord, mais voilà. Entre les deux, je pense que je préférerais Loki quand même. Ouais. Mais après. Apocalypse m'a vraiment surpris parce que je l'attendais pas non plus pour le grand vilain, et puis finalement, moi j'ai trouvé très très bien. Enfin, Oscar Isaac, je l'ai pas tellement. Enfin, je faisais pas trop attention. Qui c'est, enfin je savais que c'était Oscar Isaac en dessous, mais je faisais pas attention, je regardais pas, je vois la forme de son nez, je m'en fiche de ça. On le reconnaît bien, ouais. mais ça passe, quoi. Et on sent que lui, bon, il a l'air de s'amuser dans le rôle. Ouais. Après, même si c'est vrai que c'est très solennel, c'est très. À côté de ça, le film pourrait avoir une dimension hyper dramatique, et par contre, il y a toujours aussi de l'humour. Et ça, c'est bien. Et la scène de Quicksilver. La double scène de Quicksilver. Ouais. Il y en a deux. Oui, c'est vrai qu'il y en a deux. La première. La première est géniale. Totalement. La séquence avec le bulldog. Moi j'étais mort de rire. J'ai adoré. J'étais mort de rire avec la pizza et tout. Non mais c'était tellement bien. Et c'est vrai que bon, là pour le coup, Evan Peters. Enfin, avec la musique et tout. Enfin. Ça a rien à voir avec Aaron. Ah non, mais complètement. Mais ouais. Ils ont bien fait de le faire mourir dans Avengers 2. Ils ont bien fait de le faire mourir, hein, dans Avengers 2, justement, parce que... Autant Wanda Maximoff, la sorcière rouge, elle est très... voilà, Elisabeth Olsen est parfaite. Ouais. C'est un peu dommage qu'ils aient ces problèmes de droit, parce qu'on pourrait avoir... on pourrait justement avoir Scarlet Witch dans un X-Men, et ça aurait été tellement bien, mais voilà. Ouais, parce que c'est un bon personnage, mais j'aime bien. Et mais... puisque c'est aussi la fille de Magneto. Ah oui, donc, c'est ça. Et il y a des sous-entendus, hein, on sent qu'ils ont envie, on sent qu'il y a des trucs, ils meurent d'envie de les dévoiler, mais ils peuvent pas par rapport au droit, mais ils lancent des petits indices, des petits trucs, et bon, forcément, faut être un peu averti sur le sujet pour s'en rendre compte, mais franchement, moi, j'ai vraiment bien aimé, c'est un très bon film, il serait dans mon top de l'année, hein, je pense, pour le moment. Et par rapport à, parce que personnellement, moi, j'ai toujours pas vu Captain America. Et toi, tu disais le mois dernier. Tellement meilleur. J'ai beaucoup aimé Captain America, Civil War. Moi, j'ai senti que même. Mais c'est vrai que pour moi, même en n'ayant pas vu, je sentais qu'il allait l'éclipser. Voilà, le truc, c'est que en fait, Captain America, Civil War, le problème, c'est que t'as beau avoir Civil War dans le titre, même si tu sens que c'est mondial, c'est toujours centré que sur les Avengers. Alors, c'est un peu le but du film aussi, puis, mais c'est vrai les Avengers, ils sont pas... Enfin, moi, c'est purement personnel, mais pour moi, les X-Men ont toujours été plus intéressants que les Avengers. Bah, bien sûr, parce qu'il y a pas... Les Avengers, ils se réunissent pour... que pour certains moments, ouais, et, voilà. ils ont pas le. Enfin, ils sont dans leurs petits problèmes, quoi. Et c'est alors ça, que... dans leurs problèmes de. Bah, c'est des problèmes de Tony Stark, ouais, alors ouais. C'est. Est-ce que je vais. Enfin, c'est des problèmes on, d'argent. On peut pas trop se reconnaître, enfin. C'est ça, on s'identifie pas à eux, alors que les X-Men, on bah, déjà. Bah, et puis, après, faut dire ce qu'il y a aussi, c'est que les X-Men, le premier, il est sorti en 2000. Ouais. Je veux dire, il y a certains spectateurs qui ont grandi avec les X-Men. Pareil, ouais. Pour moi, c'est le cas. Bah, oui. Mon adolescence, j'avais X-Men. Donc, du coup. Ben, on n'a pas le même rapport non plus. Voilà. C'est ça. Et du coup, oui, moi je trouve que X-Men Apocalypse est déjà bien au-dessus de ce qu'on a pu voir en film de super-héros cette année. Hein. Même Batman vs Superman, ouais, oui, qui pourtant osait des choses. Ça marchait pas, mais il osait. Donc il avait le mérite de le faire. Mais je trouve que là, c'est des personnages qu'on connaît, c'est une histoire qui s'est mise en place depuis longtemps, donc c'est un segment qu'on n'a pas de mal à aborder, et je trouve que oui, il y a vraiment le tout fonctionne mieux, quoi. Parce que c'est pareil, c'est con, mais le fait que Singer aime tellement ces personnages là ça change tout aussi, ouais, hein. Ouais, complètement. Je veux dire, l'émotion elle fonctionne parce que lui il aime ces personnages avant de nous les faire aimer nous. Et je pense que la grande qualité du film, elle est là, au-delà du fait de toujours plus les étoffer et d'assurer le côté humour, le côté divertissement. C'est un film qui réussit bien quasiment tout ce qu'il entreprend. C'est pas le meilleur film de super-héros. Moi, pour moi, il est clairement inférieur à Days of Future Past. Mais voilà, de toute façon, c'est X-Men. Donc j'aurais du mal. Pour moi, c'est difficile de ne pas aimer un X-Men. Ouais. Pour ma part. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Pour moi c'est pareil, hein. Je regrette un peu d'avoir vu le film avant d'avoir vu Captain America Civil War, parce que je sens que Captain America Civil War. Non, mais je reverrai Civil War avec beaucoup de plaisir aussi, parce que il y a des mais après Civil War, c'est plus axé, c'est beaucoup plus grand public. X-Men, c'est plus sombre aussi. Et Civil War, bon, après tu le revois même pour ne serait-ce que pour le divertissement, c'est vrai que c'est vachement bien foutu. Il y a des, puis même l'arrivée de Spider-Man, quoi, dans Civil War, donc rien que pour ça. Malgré tout, je regrette quand même, tu vois, parce que sens que je vais avoir X-Men dans la tête et je vais me dire, ah, mais X-Men c'était quand même. Ouais, mais faut pas les comparer. Ouais. Moi j'ai pas trop cherché à les comparer, Mais c'est un peu. Pour moi, genre Suicide Squad et. Docteur Apo. Non, comment il s'appelle? L'autre film qui va sortir. Docteur Strange. Voilà, Docteur Strange, merci. Strange. Qui va sortir en septembre-octobre. Eh ben, ils vont avoir pas mal de boulot pour être à la même hauteur qu'un X-Men Apocalypse au niveau de l'écriture des personnages et tout ça, même si c'est sûr que c'est qu'un premier. Enfin, eux, ils ont tout un background derrière X-Men, et là, ils arrivent. Suicide Squad, c'est la première fois qu'on voit ces personnages, en tout cas sous cette forme, et Doctor Strange aussi, donc voilà. X-Men Apocalypse, j'ai vraiment adoré. Les acteurs sont toujours très très bons. Jennifer Lawrence aussi, elle joue toujours aussi une part importante. En fait, c'est vraiment le trio Magneto, Professeur X et Mystique. Même si du coup, Mystique, je la trouve moins présente ici. Que dans Days of Future Past. Ouais. Mais elle est. Mais ouais, en même temps, son rôle est génial dans Days of Future Past. Ouais. Donc. Après, c'est normal, hein, je veux dire, les films peuvent pas non plus mettre en avant tout le temps les mêmes. Et t'as vu la galerie de personnages qui, en plus, il y en a. C'est ça. Il y a même pas la. Enfin, on est très loin de tout ce qui. Ah bah, niveau personnages, c'est un Avengers. Ouais, hein, voilà. Niveau quantité. Et donc, et réussir à tous bien les écrire, à tous les développer et tous les rendre intéressants, c'est quand même un challenge et qui est très. Enfin, qui est vraiment réussi pour ma part. Le méchant, moi je l'ai trouvé plutôt bon, il éclipse vraiment tous ceux de Marvel Studios, comme je l'ai dit. Loki, c'est vrai que c'est un cas à part, parce que c'est vraiment le seul intéressant dans toute l'écurie, parce que personnellement, citer un autre vilain que Loki et Ultron dans un film Marvel Studios, je pourrais pas te les citer maintenant. Bon, après, je pense que Thanos peut envoyer du lourd. Ouais, mais ça, il faut vraiment attendre pour pouvoir. J'espère vraiment qu'ils ont pas fait ça pour rien, qu'ils ont pas teasé ça pendant des années pour rien, qu'ils travaillent bien dessus. Thanos, là, c'est mort pour eux, je pense que. Mais c'est ça le truc, c'est que. C'est là qu'on voit la différence entre toutes ces films qui produisent des films de super-héros, c'est que, alors d'un côté, t'as les Avengers qui sont bien établis depuis 2008 avec le premier Iron Man. Ouais. Donc tu sens que t'as l'impression que pour eux tout est facile. Bon, mais même s'il y a un film qui plaira moins au public, de toute façon les autres ils sont lancés, ils sont en post-production, machin. Donc de toute façon on les fait, Disney ils ont du fric. Ouais. Donc c'est ça qui est facile. T'as l'impression, enfin, il y a moins d'enjeux en fait sur l'appréciation du film. Ouais. C'est con, hein. Mais c'est vrai que c'était moins. Bon, ben tu te dis ouais, c'est un bon Marvel. Ouais. Voilà, c'est un bon MCU. D'un côté, alors de ce côté, alors t'as les Avengers de ce côté-là. De l'autre côté, t'as DC qui sont complètement à la ramasse et qui essayent de rattraper. Et tu sens que pour eux, c'est super compliqué et que c'est un bordel de production et tout ça. Alors c'est vrai que ça fait, c'est triste quand même, parce que même si les films sont discutables, les deux sorties jusqu'à maintenant, on sent que voilà, il y a quand même derrière, il peut y avoir des choses intéressantes à raconter. Donc c'est vrai que c'est dommage pour eux. Puis d'un côté, t'as les X-Men chez la Fox, qui ils font leur petit bonhomme de chemin. Ils ont eu quelques accidents de la route. C'est ça, qui ont été tout doucement, mais finalement, même les trucs qui étaient moins bien, ça a pas forcément porté préjudice à la franchise en elle-même. Et voilà quoi. Et du coup, maintenant, quand on y va, quand on va voir un nouveau film de l'univers X-Men, on y va aussi pour voir si ça va être mieux que le précédent. Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant, quoi. Ouais. On n'y va pas dans cette démarche. Oui, alors on va aller voir le nouveau Captain Civil War pour comprendre celui d'après parce que tout est lié, machin, machin. C'est ça aussi. Donc, moi, je pense que l'appréciation du film, elle est vraiment là-dedans. Hein. Complètement. Ouais. Et ça joue de toute façon, ça, inconsciemment, ouais, ça joue. Parce que en même temps. Du MCU, tu t'en bouffes 2 à 3 fois par an, alors que les X-Men, tu t'en bouffes une fois tous les 2 ans. Tous les deux ans. Et là, on ne sait pas quand le prochain. Hein. Ouais. Wolverine. Entre temps, il n'y a pas. Ouais, ce sera Wolverine plus vieux. Qui s'annonce bien pour le moment. Plus vieux, ouais. Donc ce sera basé sur Old Man Logan. Ce comic, c'est génial. Mais. Voilà, moi je suis vraiment impatient de le voir, mais donc pour revenir à X-Men Apocalypse rapidement, moi j'ai passé un super bon moment devant. Pour l'instant c'est le meilleur film de super-héros que j'ai vu cette année. Et Suicide Squad ça me tente, mais c'est pas non plus j'espère être surpris, mais je pense pas être au même niveau d'appréciation que X-Men Apocalypse et Doctor Strange. J'en sais pas assez pour savoir si ça va vraiment me plaire, mais bon. C'est toujours le moi je le sens pas du tout. C'est toujours la même soupe MCU et au bout d'un moment. Et puis là, c'est vrai que on va perdre un peu le côté réaliste de la chose, quoi. C'est la magie dont je sais pas, c'est quelque chose qui me. Bon, après Thor, tous les super-héros, c'est pas vraiment super réaliste. Mais... C'est sûr. Ouais. Mais bon, voilà. Donc X-Men. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, on y réfléchit. Oui. En plus, j'aime beaucoup Thor. Ouais. voilà, le casting est toujours exceptionnel. Enfin, moi, je trouve qu'ils font toujours des super bons choix. Bon, ils font aussi ça. Après, par contre, voilà, moi personnellement, quand je dis que je trouve ça largement supérieur à ce que Marvel et DC nous proposent pour le moment, ça veut pas dire que j'apprécie pas d'aller voir un Marvel au cinéma. C'est hein. pareil pour moi. Hein. Au contraire, j'ai très très envie de voir le prochain Thor, justement, Ragnarok. Ouais. Ça change rien, c'est juste qu'X-Men, il y a un background derrière qui est. C'est ça. Qui nous touche plus, peut-être. Hein. Enfin, moi, personnellement, c'est le cas. Donc, Les X-Men, on les voit un peu comme des vétérans maintenant. Mm-hmm. Donc voilà, en plus, c'est un des films qui a lancé toute cette vague de super-héros. Avec Blade, ouais. Oui, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai vu il y a très très longtemps. C'est sorti en 98 d'ailleurs. Et X-Men 1 est sorti en 2000. Donc, et Spawn entre temps est sorti. Heureusement que ça n'a pas porté préjudice. Okay. mais voilà, donc au niveau du casting, c'est très très bon. Au niveau de la musique, on n'en a pas parlé. Oui, John Ottman. Ouais. En plus, c'est toujours le même. Le même thème, il est génial ce thème. Non mais c'est. Moi je l'écoute dans la. Enfin, toute la musique autour elle est vraiment géniale, que ce soit du score ou la musique utilisée pendant. Par exemple la scène de Quicksilver, elle est tellement bien. Michael Giacchino avait fait un super bon boulot aussi sur First Class. Oui. Ouais. Mais comme d'habitude. Ouais, John Ottman, c'est vraiment le. En plus, le mec, il fait la musique et il a monté le film. Et ça, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Oui. Et c'est lui qui fait la musique et le montage de tous les films de Bryan Singer. Donc, sauf X-Men 1, parce qu'il était... Non, First Class, c'était Henry Jackman, c'était pas du tout... D'accord. Moi, bon, c'est pas grave. Ouais, donc... Et en plus, il a fait la... il a composé la musique de The Nice Guys. Le mec, il chôme pas. Ouais. Voilà, il a fait le montage, plus la musique, et en plus, il fait... C'est très très bien, et... voilà, au niveau de l'histoire, moi j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai passé un super bon moment à suivre l'histoire. Je me suis pas ennuyé une seule seconde, et puis... Et pourtant il dure 2 heures et demie. Ouais, et j'ai pas vu le temps passer. Non. Je sais pas trop quoi d'autre dire, mais Magneto aussi toujours, moi c'est un des personnages qui me touche le plus. De toute façon, FastB, il a vraiment le personnage dans la peau. Hein, ouais. Ian McKellen aussi, quand il jouait dans X-Men 1 et 2, et dans Days of Future Past, c'était aussi... Je trouve qu'il se complète vraiment bien. Les deux. Ouais. Donc j'ai à peu près tout dit. On va passer la parole, parce qu'il a été étrangement silencieux durant tout ça. Je suis un peu fatigué, ouais. Alors ça va vous soulager, parce que je... Mais bon, ça ne m'empêche pas de dire « Taï, chérie Zane !» Voilà, je... Non, mais je suis vraiment très fatigué, vraiment. Oui. J'ai écouté, mais j'avoue, je dors un petit peu. Oui. Je suis vraiment désolé. Intéressant. Non, c'est pas ça, mais j'ai pas beaucoup dormi l'année dernière. Enfin, voilà, j'ai mes examens. En plus, non, je déconne. Bien sûr. En plus, c'est le 3 en ce moment, alors. De quoi, le 3? Non, tu sais, le 3 pour les jeux vidéo. Leaf, oui. Ouais. Ah oui, ah non, c'est pas pour ça. Non, c'est juste parce que je glande la nuit et je me lève tôt le matin, donc voilà. Voilà, je me couche à 3h, je me lève à 7h. Nickel. Donc, je suis allé le voir avec Quentin. Oui. D'ailleurs, on va peut-être souligner son courage parce que il a dû me supporter avant le film, pendant le film et après le film. Parce que pendant le film, bravo, quand même. Quentin. Bon, on va pas se mentir, c'est vrai que la première apparition. Ça, oui, et pas le doigt non plus. Donc, je l'ai vu avec lui et j'avais extrêmement peur parce que j'ai lu des avis mais assassins sur le film, y compris de personnes qui avaient adoré justement les deux premiers. Donc, même si j'attendais beaucoup le film, je me suis dit, à mon avis, il y a un problème. Et en sortant de la salle, j'ai regardé Quentin, je lui ai dit, je ne comprends pas moi, pourquoi. Pareil. Mais de toute façon, il s'est pas mal fait descendre. Il y a eu aussi cette histoire à cause de l'affiche. C'est complètement débile, mais enfin voilà. En plus, ils ont bien répondu là avec le bouquet de fleurs. Ils ont fait encore autre chose. Ils ont mis à la place, le mec de 50 nuances degrés, et en dessous, tu vois une fille en mode. Non mais c'est trop. C'est pas officiel ça. Non. C'est impossible. Non. Ah non. Est-ce que le bouquet de fleurs c'est officiel? Je crois. Ah oui, ça c'est génial. J'ai pas envie de m'avancer, mais je crois. Donc. Mais c'est surtout que c'est tapé sur un film déjà qui, bon, en termes de budget, c'est pas ouf non plus. Donc, mais moi j'ai pas compris parce que. Budget ou enfin recette. Recette, pardon. Ils se démerdent pas mal au niveau budget ça. Ouais, mais c'est pas ouf quand même. Enfin, faut dire, faut être honnête. Et du coup, moi qui suis absolument mes fans des X-Men, alors j'adore le commencement, mais effectivement je préfère d'ailleurs ce Future Past, peut-être parce que je préfère d'ailleurs ce Future Past, je préfère le deuxième. Ah bon? Oui, j'ai toujours pensé, que tu m'avais toujours dit que c'était l'inverse. Si je vois, oui, alors c'est vrai, mais c'est un peu, en fait je crois que c'est selon mais ils sont tellement périodes. Bien ces films de toute façon. Oui, Morgan est bipolaire. J'arrive pas à les départager. Moi personnellement, c'est pareil, hein. Moi les trois ils sont tellement une préférence pour... J'aime beaucoup les deux autres, mais Days of Future Past c'est vraiment au-dessus. Comment dire, ce qui me plaît, voilà, c'est ce côté complémentaire, et j'aime vraiment la saga parce que, en termes de mythologie, je la trouve passionnante. Mmh. Et le 2 est quand même plus ambitieux, et Eddie, je me souviens d'un commentaire que tu avais écrit sur mon mur Facebook, qui est vrai. Le 3, au final, il a des choses à terminer. Donc il n'a pas de nouvelles ambitions en soi. c'est alors que le 2 Days of Future Past avait plus d'ambition. Et en plus de ça, moi je suis d'accord avec ce que t'avais dit et dit sur un commentaire sur mon mur Facebook, quand tu disais que là où par rapport au deuxième, le 3 en fait, il a pas d'enjeu nouveau à créer, il a des choses à terminer. C'est pour ça que le deuxième est peut-être le meilleur parce qu'il est plus ambitieux, parce qu'il a plus de choses c'est à faire. Oui. En fait, c'est ce que je salue surtout dans le deuxième, c'est que oui, le premier est super. Bon, le premier a quand même l'ambition de lancer cette nouvelle trilogie, ça on peut pas l'enlever. Et je trouve que le deuxième Ryan Singer, excusez-moi l'expression, mais il a quand même posé ses couilles sur la table pour justement permettre à ce film d'évincer des erreurs qui avaient pu être faites dans complètement. C'est ça qui m'avait beaucoup plu dans le dans bah oui, puis même par rapport à X-Men 3, déjà il y a un petit tacle par rapport à X-Men 3 dans le film qui est assez amoureux. Voilà. Et moi j'ai vraiment aimé ça parce que moi j'aime X-Men pourquoi ? Pour le traitement mythologique des personnages, pour la puissance émotionnelle de la chose. Et quand j'ai vu les mauvaises critiques, je me suis dit, ok, à mon avis, émotionnellement, le film est pas très bon. Pas du tout. La scène avec Magneto, est incroyable. Si c'est pas émotionnel, enfin, tu verrais pas ça dans un Marvel. Non, bah oui, justement. Je suis désolé. Ça fait super longtemps que j'ai pu ressentir ça devant un film de super-héros. Ah, moi non plus. Mais oui, et c'est surtout, il y a surtout des moments de poésie. La scène, une des scènes avec, où il est question de collier ensanglanté, j'en dis pas plus, vous avez vu le film, je trouve cette scène d'une poésie, mais absolument dingue. Et c'est ça, moi, qui me plaît, c'est la façon dont les mutants évoluent dans la société, qu'ils doivent se cacher. Ça dit aussi beaucoup de choses, c'est très métaphorique sur, au final, plein de communautés. Par exemple, je vais prendre un truc tout con, surtout par rapport à ce qui s'est passé là récemment. La communauté gay qui doivent parfois être obligés de se cacher dans des endroits où on les accepte pas. C'est vrai, là c'est plus vrai que jamais, parce que il y en a 50 qui se sont fait assassiner. De toute façon, ça a toujours fait le scène d'X-Men. De manière très sauvage. Donc, ça dit énormément de choses dans notre société actuelle. Ça capte le vrai, en même temps, ça le fait passer. Mais depuis les comics, enfin, ça a toujours été ça. Hein. C'était toujours plus ça dans X-Men que dans n'importe quel autre. Donc, voilà. Et ce qui m'a plu, voilà, c'est la façon aussi dont les personnages non seulement évoluent, mais trouvent une espèce de finalité. Moi, je trouve que la rivalité entre Magneto, qui n'est pas un méchant, c'est vrai, c'est intéressant. Moi, je l'ai jamais vu comme dans les premiers, peut-être, dans le premier surtout, dans le tout premier. Ouais. C'est peut-être plus. Ils étaient en train de rechercher. Comme un antagoniste. Ils voulaient plus, tu vois, présenter les personnages et du coup, c'était plus simple de présenter ce personnage comme un antagoniste plutôt que. Parce que même dans l'affrontement final, qui est un film imparfait, d'accord, mais même là, on sent que c'est pas un antagoniste. Et finalement, les antagonistes des X-Men, c'est ceux qui ne les acceptent pas. Ouais, complètement. Et moi, c'est ça qui m'a plu. Et d'ailleurs, Magneto, pour moi, c'est juste quelqu'un qui a fait des mauvais choix. C'est ça, Magneto, c'est un mec qui a fait des mauvais choix, qui a une idéologie à lui, qui pense que c'est la bonne et qui, justement, emprunte un chemin qu'il pense trouver bon, mais au final, on se rend compte que voilà. Et c'est ça qui me plaît, c'est le rapport entre les deux. Je trouve le nouveau casting absolument génial. Tout le monde va penser que... Alors oui, t'as Sheridan parfait, mais Diablo, c'est lui qui m'a le plus bluffé. Parce que Diablo, j'ai trouvé le personnage juste attachant, alors que je le trouvais très agaçant dans X-Men 2, que j'ai revu il y a pas longtemps. J'adore. Ouais, je le trouvais agaçant. Alors que moi, je trouve que justement, c'est vraiment le... Pour moi, quand je vois ce Diablo jeune, c'est vraiment le Diablo jeune qu'on a vu. C'est vraiment la version jeune de celui d'X-Men 2. Ouais, exactement. Oui, voilà. Et ce côté un peu gauche, un peu gauche, très drôle, mais je trouve que si, c'est vraiment lui. Et oui, il y a toujours sa drôlerie, sa fraîcheur et tout. Jennifer Lawrence, je trouve le personnage, je pensais qu'il allait être beaucoup plus effacé au final. Et c'est ça qui m'a plu dans le film, c'est que tous les personnages ont leur moment. Parce que Singer aime ses personnages, il est très généreux, donc du coup, ça passe aussi par des moments la scène de Quicksilver est juste dingue. Et là, je ne comprends pas pourquoi Là, il y avait un peu de fan service parce qu'il en met deux. Mais en même temps, c'était une. Ils ont vu le retour. Moi, j'ai entendu des personnes dire oui, c'est la même chose que le 2, mais en termes d'enjeu, ça n'a rien à voir. Hein. Les scènes se ressemblent un peu dans la forme, mais elle est beaucoup plus importante et plus longue dans celui-là. Mais justement, ils ont vu le retour impressionnant de la communauté, enfin de tous ceux qui ont vu le film. Et la scène qui les avait plus marqués, c'était cette scène avec Quicksilver. Et non, puis c'est quand même cassé le cul à l'affaire. Aussi. C'est pas une scène facile à réaliser. Il y a un making-of de 1-2 minutes sur YouTube et on voit un peu les techniques qu'ils ont utilisées. C'est vraiment pas facile à faire. Et là, il fait une scène de 2 minutes comme ça. Voilà. C'est... Parce qu'elle dure 2 minutes. Ouais, bien 2 minutes. Bien 2 minutes. Et 2 minutes au ralenti, du coup, on se rend compte que c'est long. En plus de ça, le développement des personnages est extrêmement bien. Même émotionnellement, le film marche. Mmh. Et surtout, même par rapport le rapport entre Rose Byrne et James McAvoy, honnêtement, une des scènes de fin, mais je l'ai trouvé juste mais bouleversant. Ouais. Mais bouleversant, je me suis retrouvé dans Lost. Enfin, ça m'a beaucoup fait penser à Lost. Verront et X-Men et ceux qui ont vu Lost comprendront un peu le rapport. Et des plans qui sont mais d'une classe absolument incroyable. Le méchant Apocalypse, je le trouve pas dégueulasse. Non. Même visuellement, en plus, du maquillage naturel en plus. Hein, ouais. Franchement, heureusement que c'était pas du CGI quoi. Bah oui. Moi, je suis vraiment content de pas avoir eu du CGI comme Ultron ou des trucs comme ça quoi. Toute la façon dont Bryan Singer termine son œuvre, parce que par rapport au premier, j'avais un peu peur. Bon, même si Days of Future Past m'avait quand même relativement rassuré. J'avais peur justement qu'il y ait trop de différences d'ambition avec Matthew Vaughn et tout. Au final, les films sont tellement... Enfin, pour moi, la trilogie est juste parfaite. Même si dans celui-là, il y a des choses... On va pouvoir discuter sur... Oui, il y a des CGI qui sont un peu... qui sont pas très bien. Mais je m'en fous parce qu'il y a une telle générosité que j'ai pas vue depuis... Franchement, les Gardiens de la Galaxie, quoi. Et encore, je les préfère aux Gardiens de la Galaxie. Donc, je préfère Apocalypse à tous les films de la MCU. Enfin, je préfère la trilogie X-Men à tous les films de la MCU depuis la phase 1, quoi. Pareil. Parce que je trouve qu'il y a une ambition, même dans le troisième, il y a quand même une forme d'ambition, pas en matière de scénario, mais dans la façon de rendre tout ça cohérent et même d'instaurer des nouveaux personnages. Parce que pour mettre en scène des nouveaux personnages, il faut avoir un certain talent. Et je trouve que Singer les a pas délaissés. Tornade, je la trouve excellente. Je voulais parler justement de la jeune Tornade. Elle est vraiment, le background égyptien et tout ça, c'est vraiment super intéressant. Ouais. Et puis comme elle vénère Mystique, c'est... Mais elle est pas censée être africaine, par contre. J'ai un doute là. Je sais plus vraiment. Il me semble qu'elle est reine ou princesse d'une tribu africaine. Ouais, je crois, normalement, mais bon après. C'est pas gênant. Ouais. Et je dois dire aussi que moi, dès le début, j'étais conquis parce que la scène d'intro m'a quand même épaté. Déjà la musique, est dingue, et j'ai trouvé la scène d'intro flippante. Je l'ai trouvée, mais j'étais flippé. Enfin, parce que moi j'ai peur de tout ce qui est égyptien, ça avec les ça me fait peur. J'ai peur de la momie déjà. Ah oui. La momie me fait vraiment flipper. J'ai peur des tombes, des momies, ça me fait peur cette. Il faut pas aller au Louvre. Ah ouais, j'irai pas. Ah, même pas en rêve. Ah, j'ai trop peur. C'est tellement bien. Enfin, le Louvre. Non, j'irai pas. J'ai trop peur de Belphégor et. Non, il est très chafouin. Ah non, il est chafouin. Désolé. Il y en a qui l'ont vu. Sophie Marceau, elle l'a vu, donc je la crois. Désolé. Parlons-en. Qu'est-ce qu'on cite comme grand film ici? Oui, alors déjà que ceux qui n'aiment pas X-Men, ils vont dire ah bah là c'est cohérent. Non, honnêtement, j'ai pris un plaisir, mais inattendu, parce que là, autant j'avais envie de l'aimer, mais j'étais tellement j'ai été tellement découragé par les mauvaises critiques que quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, mais non, la générosité avant tout. Et est-ce que j'ai vu un film de super-héros plus généreux cette année? Non. Je pense aussi que le film est un peu étouffé à cause du fait qu'il soit sorti, on va dire, très peu de temps après Civil War, lui-même sorti très peu de temps après Batman versus Superman. Ouais. Du coup, il y a un effet un peu trop. Voilà, ouais. Ça fait un peu trop d'un coup. Donc Suicide Squad qui sort au mois d'août, du coup ça va laisser un peu le temps de digérer, donc peut-être qu'il sera peut-être mieux accueilli. Mais j'ai pas compris pour moi moi je comprends pas non plus. Déchaînement de mauvaises critiques, parce que je trouve effectivement, si je dois le comparer, c'est moins fort, moins ambitieux que Days of Future Past, d'accord. Mais je le prends dans l'ensemble, pour moi la trilogie est parfaite et j'ai hâte qu'elle sorte en Blu-ray pour ah m'acheter oui, justement. Ouais, ouais. Avec le, il y, y aura le Rock Cut dans le, dans le, dans le. En plus, j'ai, enfin, jamais, voilà, vu, j'ai jamais vu le Rock Cut. Je suis trop impatient. Moi, je l'ai pas vu justement. Donc déjà que la version cinéma était excellente. Ouais. Enfin voilà. Non, les personnages quoi. Et puis les acteurs sont tellement. Et alors qu'à l'époque, je me souviens que quand le commencement était annoncé, enfin qu'il était sur le point de sortir, les gens n'y croyaient pas. Hein. Ouais, et ouais, franchement, le nouveau casting fait aussi fort. Enfin. Pour moi, je suis désolé, même si j'adore Ian McKellen et j'adore Patrick Stewart, mais pour moi, tu me dis Magneto, je pense à Fassbender maintenant. Mmh. Il est tellement, mais le personnage, il est tellement bien écrit. Tous les personnages sont bien écrits. Et vraiment, ils ont leur moment de gloire. Il y a des, même, la, même la scène où, c'est tout con, hein, mais la scène où il y a Apocalypse qui transforme les ailes de d'Angel. Ouais. Il y a un échange de regards à ce moment-là avec une musique, j'ai trouvé ça tellement classe. Mmh. Il y a vraiment l'esprit pop de la BD que je retrouvais, enfin j'ai pas lu la BD, mais le côté pop ouais. du premier qui m'avait vraiment séduit dans le film de Matthew Vaughn, et là je l'ai retrouvé. Et ouais. à côté de ça, un spectacle généreux et vraiment épique, j'ai envie de dire, mmh. c'est pour moi une conclusion en apothéose. Ouais. Et je comprends pas pourquoi. Et il sera dans mon top évidemment. Oui, ben, mmh. moi je pense que s'il y a un film de super-héros dans mon top, ce sera celui-là. Enfin. J'ai pas vu les autres, mais enfin, je pense vraiment que ce sera celui-là. J'étais en train justement de réfléchir et je me disais que... Ouais, en fait, j'ai dit que Bryan Singer, il a fait mieux que George Lucas, mais il a aussi fait mieux que Peter Jackson en reprenant une saga qu'il avait déjà fait avant. Donc, c'est un des seuls qui a vraiment réussi à faire que des bons films dans la saga qu'il a commencé. Et enfin ouais c'est c'est quand même assez exceptionnel donc voilà on est tous les trois à vous le conseiller énormément bon bah si vous l'avez pas aimé dites-nous pourquoi voilà oh là, je suis vraiment très fatigué dites-nous pourquoi dans les commentaires et puis ben voilà on a fini je pense mmh. ok nickel oui oui c'est oh, puis, attends je vais le redire mais Je me bouche les oreilles. Non mais je l'aime trop, Ty Sheridan, il est trop mieux. Quand je l'ai vu, j'étais oh, mais putain, mais la première scène où je le vois. Donc... Oui. Ah, ok. Non. Ah là là. Non, et je suis vraiment désolé pour l'insulte que j'ai, parce que j'ai insulté Sophie Turner à un moment donné, mais c'était la jalousie et la spontanéité qui a parlé. Quentin était témoin, il était même mort de rire. J'ai lâché un petit pff, yes. Mais vraiment tout discret. Quentin, je l'ai vu, il était en train de glousser. Je suis vraiment désolé Sophie si tu m'écoutes. Ouais, bon. Oui, bah oui. Ah, elle m'écoute. Ouais. Juste toi en plus. Hein. Donc, on a fini sur X-Men Apocalypse, on vous le conseille énormément. Je pense qu'il est encore dans les salles, donc allez le voir si vous l'avez toujours pas vu. Regardez quand même les deux films d'avant, parce que sinon vous allez rien comprendre. Donc, si vous n'avez jamais vu un X-Men, regardez quand même les deux précédents, au moins. Regardez peut-être pas ceux de 2000, ils sont peut-être pas obligatoires pour pouvoir apprécier celui-là, mais voilà, je vous conseille quand même de voir les deux avant. Voilà, après tout ce blabla, on va passer à la dernière rubrique, la Minute Nerd. Donc à la dernière rubrique de ce podcast, nouvelle rubrique, enfin une rubrique qu'on réinstaure dans le podcast justement, la Minute Nerd. Et c'est tout. Et que j'ai la joie de réinaugurer. Ben oui, voilà. On vous a pas dit de quoi Eddie allait parler, donc maintenant c'est. Mais de quoi pourrait bien parler Eddie? Mais alors, mais je vois, c'est dur. Mais je vois pas. Alors, Tree of Life. Et un autre truc, ça a un rapport avec des dinosaures, je sais pas trop. Ouais, voilà. C'est pas prévisible. Ouais. Bon, vas-y. Non. Alors, donc moi j'ai choisi, donc du coup, pour inaugurer la rubrique, j'ai choisi de parler d'une fanfiction sur internet au sujet de Jurassic Park. Oh ah, je pense. Ouais. Donc la page c'est Jurassic Park Fiction. Mm-hmm. Donc Axel mettra ouais, je mets, dans la description. Ouais. Et en fait, c'est. Alors, je suis pas trop adepte des fanfictions, ouais, franchement. Mm-hmm. C'est pareil. Enfin, c'est pas que je trouve pas ça bien, mais c'est que j'ai jamais trop été amené à en lire. Enfin, j'ai jamais ressenti le besoin d'en lire. Et bon, ben là, c'était Jurassic Park. Je venais de finir de relire le deuxième bouquin. Ouais. Donc, bon, voilà. Ça s'est fait comme ça. Donc, je me suis lancé là-dedans. Alors, la personne qui écrit ces fanfictions, c'est la personne qui gère la page Facebook Jurassic World News France. Ouais. Donc, c'est une page qui a été ouverte à l'annonce du film Jurassic World. Ils l'ont alimenté tout le long de la promo et ils continuent du coup avec les infos sur les prochains. Sur les suites qui sont même sûres maintenant. Et en parallèle, en fait, donc l'auteur de cette page avait commencé à rédiger une première fanfiction qui s'appelle La légende des 5 morts. Alors en fait, ça, La légende des 5 morts, c'est un lien. Ça se passe juste après Jurassic Park et juste avant Le Monde Perdu. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les fanfictions suivent l'histoire des films. Oui. Pas juste des livres, ouais. Parce qu'en fait, les livres et les films, il y a des différences. Ouais. Là, ça s'appuie quand même plus sur les films que sur les livres. Donc, si vous avez vu les films, vous n'êtes pas obligé de lire les livres pour regarder, enfin, pour lire cette fanfiction. Ouais. Ça va pas vous donner de problème. Du coup, il a commencé avec cette histoire-là, et après il a étoffé en fait. Donc maintenant, il en est à 3 fanfictions écrites, et il y en a une quatrième en préparation. Donc dans l'ordre, je vais vous les citer, ce sera plus simple. Donc dans l'ordre, il faut lire Incident Clarissa. Ouais. Donc c'est une histoire en 20 chapitres. Alors, c'est très court, ouais, à peu près, c'est combien de... pas, enfin. Mais je sais pas parce que c'est sur internet, donc il y a pas de page. Ça t'a pris combien de temps pour en lire un? Un chapitre un bouquin. Une histoire, ouais. Mais moi je l'ai lu petit à petit. Donc, ok, d'accord, ouais. Ouais, je sais pas, mais un chapitre, ça me prend quoi? Ça me prend 5 minutes à peine. Ok, ouais, donc. Donc ça se lit bien. Ça se lit bien, c'est écrit. Après, c'est bien écrit, mais ça reste très abordable. Ouais. Donc, Incident Clarissa, première histoire, elle se situe en parallèle des événements de Jurassic Park, donc en 93. Ouais. Ce qui est très intéressant, en fait, dans cette histoire-là, c'est qu'ils amènent déjà l'idée de dinosaures hybrides. D'accord, ouais. Donc, du coup, ça appuie un peu plus le propos de Jurassic World et ça le crédibilise. Ça, c'est très intéressant. Donc, en fait, c'est une histoire qui se passe sur le site B, Isla Sorna. Donc, Jurassic Park est construite sur Isla Nublar. Là, c'est l'île du parc, en gros. Et Isla Sorna, c'est le monde perdu. Voilà, le monde perdu, donc le laboratoire. Et Jurassic Park 3. Voilà. Donc en gros, Isla Sorna, c'est là où il y a le laboratoire d'Ingen qui du coup crée les dinosaures, les élèves, avant de les envoyer dans le parc. Exact. Donc du coup, là, cette histoire-là se passe en même temps que Jurassic Park. Voilà, donc j'en dis pas plus, après il faut la découvrir. Le but, c'est pas que je vous fasse des vidéos. Donc si juste que ça intègre déjà l'idée de dinosaures hybrides, c'est ce qui fait le sel de cette histoire-là, c'est très intéressant. Enfin, moi j'ai trouvé. Ensuite, la seconde histoire du coup qui a été écrite en premier et après il a réadapté en fait. Donc la seconde histoire, c'est la légende des 5 morts en fait, qui explique en gros. Donc les 5 morts, on en entend parler dans Le Monde Perdu. Oui. C'est le marin qui emmène l'expédition de Ian Malcolm sur Isla Sorna, qui leur dit qu'il veut pas débarquer. Il veut pas les attendre sur l'île le temps de leur voyage, il veut s'en aller parce qu'il y a des légendes au sujet du chapelet d'île. Ils appellent ça la légende des 5 morts. Ouais. Donc du coup, là, on nous explique un peu à quoi correspondent ces 5 morts. Et donc du coup, c'est pareil, ça intègre certains éléments qu'on trouve après dans Le Monde Perdu et dans Jurassic Park. Et dans World aussi ou pas? Pas encore, okay. C'est trop tôt. D'accord. Et après, à savoir que Incident Clarissa et La Légende des 5 morts, c'est des histoires qui sont indépendantes. La temporalité, en fait, c'est de à peu près une à deux journées. Ouais, d'accord, ok. Ça se passe sur une à deux journées. Une à deux journées, ces deux histoires-là. D'accord. Et du coup, la troisième histoire, donc la plus récente pour le moment, c'est Expédition Nubla, qui, elle, se passe au début. Elle est structurée en plusieurs... un timeline. C'est ça. En fait, elle commence en 93 pour finir en 2015. Ouais, d'accord. Donc du coup, ça commence avec une expédition donc sur Nublar orchestrée par Ingen qui veut justement, après le fiasco du Jurassic Park, relancer le projet Jurassic Park de San Diego. Ouais. Donc en gros, ils envoient une équipe de militaires d'Ingen et le généticien Henry Wu, qui est à l'origine des dinosaures. Des dinosaures ramenés à la vie, c'est lui qui a créé tout ça. Donc il est envoyé avec une équipe militaire sur Isla Nublar pour récupérer des spécimens et les ramener sur le continent. Donc chose qui était déjà, dans l'expédition Nublar, ils sont chargés de ramener ce qu'ils peuvent d'embryons et tout ça. Ouais. Ça se passe à peu près un an après Jurassic Park. Après la chute de Jurassic Park. Donc ça se termine, je dis pas comment. Après on a un bond dans le temps où on apprend John Hammond, donc le fondateur de Jurassic Park, sur son lit de mort, demande à Simon Masrani, le futur fondateur de Jurassic World, justement de faire un parc parce que on aborde là la question du tourisme illicite sur Isla Sorna. En fait, vu qu'on sait que dans le monde perdu, il y a beaucoup de gens qui ont vu un T-Rex dans les rues de San Diego. Ouais. Donc tout le monde sait que les dinosaures sont vivants et du coup. Là, ce qui est très intéressant dans cette deuxième partie de Expédition Nublar, c'est que on nous explique pourquoi Jurassic World a été créé. C'est pas juste pour faire un parc avec des dinosaures, c'est surtout pour éviter qu'il y ait des accidents sur Isla Sorna. Mm-hmm. Parce qu'on nous explique qu'il y a des disparitions, il y a des gens qui évidemment veulent voir les dinosaures. Donc ils y comme vont. Dans Jurassic Park 3, et qui sont, voilà. Sont trop cons. Pour, enfin, voilà. Et on apprend comment Simon Astrani va acquérir InGen et du coup fonder Jurassic World. Et ça se termine après avec Henry Wu et Vic Hoskins, qui est le chef de la sécurité d'InGen, et qui on apprend comment se monte leur petite affaire pour au sujet des dinosaures hybrides, et donc du coup ça amène à la conception de l'Indominus Rex. Ouais. Et voilà. D'accord. Et la quatrième histoire du coup normalement tiendra place pendant les événements de Jurassic World. Ok. Ça s'appelle Walking the Park. Donc ça, ce sera plus Jurassic Park, ça s'appellera Jurassic World Walking. Ok, d'accord. Voilà. Et ça va suivre, je pense, ça va pas suivre les personnages de Owen et Claire, mais ça va suivre, je pense, peut-être plus un groupe de visiteurs, enfin des nouveaux personnages qui existent. D'accord. Ouais, parce que j'allais justement te demander, est-ce que c'est il crée des nouveaux personnages. Il crée des nouveaux persos. D'accord. Et est-ce qu'on suit un seul perso ou alors c'est. Oh, ben plusieurs. Ouais, mais c'est jamais des gros okay. Plus, personnages. D'accord. Donc il y a des histoires où Alan Grant, il revient pas. Alan Grant. Non. Henry Wu est beaucoup présent dans les fanfics. Ouais. Parce que justement le but c'est d'amener à Jurassic World. Donc forcément, oui, par rapport à l'IREX et tout ça. Dans l'une des fanfics, dans Expédition Nublar, on a quand même pas mal de passages avec Owen, parce que justement, on apprend comment est amené le projet de l'étude comportementale des vélociraptors. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant aussi, parce qu'on se rend bien compte que c'est pas juste dresser les dinosaures. Ça renforce encore plus ce qui est avancé. En fait, ce qui est très bien avec Expédition Nublar, c'est qu'elle crédibilise beaucoup Jurassic World et elle met en lumière tout ce qui était un petit peu laissé de côté, tout ce qui était abordé dans le film, mais pas assez développé, en fait. D'accord. Donc, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est bien écrit, c'est pas très long. Les deux premières histoires sont un petit peu plus centrées sur l'action, avec des dinosaures, un peu à la manière de Jurassic Park 3, mais il y a plus de fond, quand même. Ouais. Par contre, Expédition Nublar est plus dans le côté, c'est un peu plus thriller. D'accord, voilà. Études industrielles, tout ça, espionnage, machin. Ok. Donc voilà, c'est très intéressant, franchement, c'est vachement bien. Si vous avez aimé les films, je vous les conseille fortement. Parce que même si on sait que c'est pas des choses qu'on retrouvera dans les films, finalement, oui, c'est tellement c'est bien pas, écrit que tout coïncide avec ce qui se passe dans les films. Et du coup, ça peut mettre en lumière certains aspects et ça reprend certains éléments non explorés aussi des romans. Oui. Donc voilà. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai lu ça en une semaine à peu près. D'accord. Une semaine et demie, peut-être, les trois histoires. Ok. Et en plus, c'est français. Et c'est français, ouais. Donc, voilà. Ça fait pas partie du truc. Enfin, c'est comme toutes les fanfictions. Bon, peut-être expliquer, peut-être que c'est une fanfiction pour ceux qui connaissent pas. C'est des histoires basées sur des licences qui existent. Donc, il peut y avoir des fanfictions. Ben, sur les plus connus, c'est sur Star Wars, c'est dans Zano. Il y en a sur Harry Potter aussi, voilà. Enfin, Twilight. Il y en a même eu sur. Et 50 nuances de Grey, c'est une fanfiction de Twilight. Voilà, à la base. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Tout est lié. Mais c'est pour, Morgane qui se réveille d'un coup. On parle de 50 nuances de Grey, Morgane se réveille. Voilà. tout de suite, non, mais là. Non. Mais en tout cas, tout ça pour dire que voilà, c'est vrai qu'il a. La personne qui écrit ça a vraiment. On sent, je pense qu'il a dû prendre énormément de notes en revoyant les films, en relisant les bouquins. Et il a vraiment fait ça très bien. On sent qu'il adore, de toute façon. Je suis pas très bon critique de bouquins, hein, donc je suis désolé. Non, mais c'est pas. Mais bon, après, le style, moi, me convient très bien parce que je suis pas un grand lecteur. Mm-hmm. Voilà, donc ça me va assez bien. Et voilà, je voulais en parler parce c'est très intéressant et puis c'est toujours bien de faire de la pub aussi. Bah oui, complètement. Des petits projets comme ça, donc, indépendants. Le nom de l'auteur, c'est. C'est Marc Dupuis. D'accord, ok. Voilà, donc comme ça vous avez les infos. Et puis en plus, je vous mettrai les liens des histoires dans les notes de l'émission. Donc si vous voulez. Bah, en fait, il y a un site internet qui répertorie les trois histoires. Donc je vous mettrai le lien. C'est classé par année. Parfait, voilà. Ça se lit très très bien. Je vous mettrai le lien vers le site internet dans les notes de l'émission. Et puis, la Minute Nerd reviendra le mois prochain. On se décidera sur l'ordre. On ne sait pas encore qui c'est qui. Je pense que je vais laisser Morgane, un grand prince que je suis, je vais laisser Morgane aller en premier. À condition que Morgane sache de quoi il veut parler. Oui, mais t'as un mois pour choisir. Hein, c'est bon. Oui, j'ai un mois, oui, c'est sûr. Et t'as vraiment le choix très très large là. Hein, Donc voilà. Maintenant qu'on a fini la Minute Nerd, on va enfin pouvoir passer à la fin de l'émission après 2h48 d'enregistrement. Donc on est à la fin de cette émission qui fut longue comme prévu en fait, on avait prévu que ça serait long donc, et comme d'habitude en fait, vous avez l'habitude de toute façon si vous nous écoutez tous les mois, merci encore d'avoir écouté cette émission et merci de nous suivre si vous nous suivez depuis toutes ces émissions donc... si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, vous pouvez aller sur movienerd.net où il y a toutes nos émissions ainsi que nos critiques et tout ce qu'on fait. Il y aura sûrement des nouveaux trucs. Enfin, je vous en dis pas plus parce que je suis pas encore sûr de ce qu'on va faire, mais on verra bien pour cet été. On est en train de prévoir un truc, prévoir le programme de cet été. On n'est pas encore sûr de ce qu'on va faire, mais oui, il y aura sûrement un podcast général l'année dernière. Voilà, c'est ça, et puis peut-être d'autres choses, on verra. Donc, en attendant, vous pouvez retrouver tout ça sur movienerd.net. Ensuite, sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, sur Facebook et sur Twitter. Donc, movienerd sur Facebook et Twitter, c'est movies_nerd. Moi vous pouvez me retrouver sur Sens Critique et Twitter donc à TheLexal THELEXAL et sur Movies Nerd aussi j'écris pas beaucoup de critiques en ce moment parce que j'ai pas du tout le temps et de toute façon enfin j'ai pas l'inspiration donc vous pouvez m'entendre dans les podcasts comme d'habitude et puis on va passer à Eddie. Oui, donc moi ça change pas, ouais. Hein, Istar partout, Sens Critique, Movies Nerd, YouTube, partout quoi. Ouais. Tu fais c'était quoi sur Roller Coaster, non? J'ai cru voir. Ouais. Oui, je me suis, mais ça n'a rien à voir avec le cinéma, je me suis remis à jouer à Roller Coaster. Tycoon 3. Ouais. Parce qu'en fait, j'attends avec impatience le prochain jeu Planet Coaster, ouais. Qui est censé être la suite spirituelle de Roller Coaster, parce que Roller Coaster Tycoon World est sorti, mais apparemment les échos sont pas très bons. Non, non. Donc du coup j'attends impatiemment Planet Coaster qui permet de pas mal personnaliser son parc, moi je suis assez friand de tout ça. Mm-hmm. Et donc du coup, en attendant, je joue à Roller Coaster Tycoon 3. Et donc vous pouvez voir ses expérimentations sur YouTube. C'est ça, j'ai fait un parc et du coup je me suis amusé à faire des vidéos des attractions on-ride en fait. Mm-hmm. Vous avez un petit... au départ toujours une petite vision globale du land et de l'attraction, et après vous faites l'attraction en mode caméra, ouais. Comme un visiteur. Voilà, ben voilà, vous êtes au courant maintenant, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Donc on va passer à Morgane. Moi vous pouvez me retrouver dans ma cuisine parce que j'ai faim et dans mon lit après parce que je suis crevé. Mais sinon, vous pouvez me retrouver donc sur Twitter, mais je vous promets, mais c'est horrible là, je suis dans un état. Moi aussi, je suis en train de m'endormir à moitié sur le micro. Je suis un zombie. Pour mettre game, c'est important. Putain, mais t'es obligé de citer. Non, j'avais envie, c'est tout. Taisez-vous, c'est mon moment. Quel connard. Vous assistez à la fin de Movies Nerd. Donc sur Twitter, @cinemorgan, donc Morgan Cinémaniac, et sur votre caster. Oui, Cinémaniac. C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah si, voilà, le dernier truc, allez sur iTunes pour nous donner des étoiles. Je suis en train de faire le pile. Donnez-nous des étoiles, ça nous fait plaisir. On aime les voilà. Étoiles. Sur iTunes et sur PodCloud aussi, pour monter dans la librairie des podcasts français, pour battre France Culture et tout ça. On n'y est pas encore. Voilà, donc merci encore d'avoir écouté et on se donne rendez-vous le mois prochain pour l'épisode numéro 28 du podcast Movies Nerd. Salut. Et au revoir. Salut. C'était quoi cette fin, Morgan? J'étais pas dans le truc. Allez, au revoir. Au revoir.